Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM. Oui, 107 MHz, tout à fait. Et ou sur le net, parce qu'on peut nous entendre aussi sur le net. Hein. Et puis, oui, il suffit de taper Radio Guimauzo, et puis on a les émissions en direct ou les rediffusions, comme on veut. Hein. C'est votre choix. Une émission, par exemple, elle est... une émission qui a lieu toutes les semaines, comme la Mosaïque, est rediffusée et réutilisable et enregistrée pendant une semaine, pour une semaine, hein, jusqu'à l'enregistrement de l'émission suivante qui vient la remplacer. Hein. Les émissions qui sont diffusées une fois par mois, ben, on peut les réécouter pendant un mois. Voilà. Alors, au programme de ce soir, eh bien, 1944, le prix de la libération dans la région de Saint-Dié. Ensuite, l'Afghanistan. Jean-Luc Mélenchon nous parlera des raisons pour comprendre la guerre. Hein, et bien oui, pour comprendre la guerre en Afghanistan, c'est pas difficile. Vous suivez les pipelines, hein, pipeline. Vous savez, le pétrole. Eh oui. Ensuite, les centrales nucléaires. Démantèlement impossible. Et c'est le démantèlement dont on vous avait parlé comme de quelque chose de relativement facile. Eh bien, en fait, c'est quasi impossible. En tout cas, actuellement. Espionnage, RFA, RDA, l'affaire Günther Guillaume, vous savez, c'était cet agent de la Stasi qui était commandée par Marcus Wolf, hein, et qui a été introduit dans le Parti Socialiste Ouest-Allemand, qui a fait carrière dans le Parti Socialiste, qui est monté jusqu'à devenir l'attaché principal du premier secrétaire du Parti Socialiste, comment il s'appelait déjà, Willy Brandt, voilà, et premier ministre, hein, Willy Brandt, et qui l'a fait, en fait, démissionner, parce que, bah oui, quand on s'est aperçu que le bras droit de Willy Brandt était, en fait, un agent de l'Allemagne de l'Est, ben voilà, ça faisait pas bien dans le paysage, donc, voilà. Ensuite, ben Jean-Luc Mélenchon, traité d'Aix-la-Chapelle, voilà, oui, question de l'Allemagne deux fois là. L'Allemagne, ben oui, l'Allemagne, elle pèse un certain poids quand même en Europe, hein, ben oui, c'est le pays le plus peuplé et puis aussi le pays le plus riche, enfin oui, le plus riche. La population n'est pas riche, mais les riches sont riches. Hein. Voilà. Ensuite, Jean-Luc Mélenchon, donc traité d'Aix-la-Chapelle. La médiathèque, les grandes fortunes et multinationales. Et puis voilà, donc une bonne soirée à vous et une bonne nuit après. Bonne nuit quand même, je dirais, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que des bonnes nouvelles dans ces émissions-là. Hein. Voilà, allez, bonne soirée, au revoir, à la semaine prochaine. Soldats de l'armée Condé, postés sur la ligne Maginot, se replient vers Saint-Dié. Ils se retrouvent coincés dans une souricière. Certains résistent, d'autres se rendent et se font déporter dans des stalags qui sont des camps de prisonniers. C'était un endroit où il y avait énormément de soldats français, et il y a eu énormément de soldats faits prisonniers dans la région de Saint-Dié, puis les Rougeaux. Et là, il y avait énormément de soldats français, c'était un peu la débâcle. Il y avait énormément de truites dans la Meurthe. Il lâchait des grenades dans la Meurthe et les truites se retrouvaient le ventre en l'air et il se faisait à manger comme ça avec ses truites. C'était vraiment incroyable. Le gouvernement français signe l'armistice, on arrête les frais et les Allemands occupent donc une partie de la France et en particulier... puisqu'on va parler surtout de Saint-Dié, les départements situés le plus près de l'Alsace et de la Moselle qu'ils ont récupérés et qui réintègrent le Reich, qui réintègre l'Allemagne. Premiers actes de résistance. On cache des drapeaux, on récupère des armes jetées par les soldats français, des filières d'évasion se mettent en place. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Et j'étais vraiment très ému, à la fois ému et admiratif de ce qu'une dame a pu faire à cette époque-là. Et surtout qu'il faut bien savoir que l'époque de, qu'elle a vécue était quand même une époque totalement différente de ce qu'aujourd'hui on peut vivre. Aujourd'hui, nous vivons dans une quiétude totale par rapport à ça. Le danger était permanent. La suspicion devenait de plus en plus forte à l'approche des alliés. La fête de gendarmerie surveille les habitants pour... éviter les attentats. J'allais en vélo donner, par exemple, des ordres à ceux, les résistants qui étaient montés à Raon, au Bonsa, à Armirmont, porter des ordres de ce qu'eux devaient faire ou pas. Alors j'allais à Bruyères aussi, contacter quand il y avait des choses à faire sur Bruyères et tout. Ils étaient montés au maquis. Ça, c'était encore aussi une espèce, une chose effrayante, ce maquis, parce que je les ai vus une fois dans Saint-Dié, ils étaient tous avec des rucksacks sur le dos, les Allemands qui se baladaient là au milieu. Je me disais, mais qu'est-ce, ils sont fous, ils sont fous. Et ils sont tous montés au Jacques, ouais. 8 jours, pas d'armes, rien. Ils sont redescendus au bout de 8 jours, et à cause de ces 8 jours, ils ont, il y en a qui ont été pris par la Gestapo, qui sont venus les chercher, qui les ont emmenés. Ils sont partis à Dachau. Quelqu'un dit, ils démolissent ce monument, et tout le monde est allé vérifier, et alors on ne pouvait pas s'arrêter. Il y avait des sentinelles qui disaient, circulez, circulez, et puis on ne voyait plus le monument, parce qu'ils avaient mis des grandes bâches, mais on démolissait le monument. Et on comprend pourquoi, puisque le soldat français écrasait l'aigle allemand. Oui. Il y avait les casernes qui étaient à Saint-Dié, étaient occupées par quelques petites unités allemandes qui venaient en repos de temps en temps après avoir combattu quelque part, mais on voyait quasiment pas d'Allemands dans les rues. C'était à peu près tranquille. Pendant l'occupation, la vie continue presque normalement malgré le rationnement. Les tickets sont obligatoires pour l'alimentation, les vêtements et l'essence. Les fermes des environs, les jardins potagers permettent d'améliorer le quotidien. C'est l'époque du système D, du troc. Le ravitaillement, ce qu'on mangeait, ma foi, s'il pouvait y avoir, hein, s'il pouvait arriver, on n'était pas difficile. Je sais que j'ai fait beaucoup la queue à la boucherie pour avoir pas grand-chose, ce qu'on pouvait. On a eu la chance, nous, mes parents et mes beaux-parents étaient dans le textile, on avait une monnaie d'échange. Alors on pouvait aller dans les fermes. Mon mari allait toutes les semaines, tant qu'il était là, en bicyclette, il allait au Valtin et il ramenait du beurre, des œufs, du fromage et tout ce qui s'ensuit, lequel fromage je ne mangeais pas tellement parce qu'il grouillait d'asticots. Maman était très formidable parce qu'elle a cultivé des jardins dans tout Saint-Dié. Chaque fois qu'elle n'avait plus la possibilité, elle allait ailleurs. Il y avait de la solidarité s'il y avait un coup dur, s'il y avait des blessés, s'il y avait des choses comme ça. Question nourriture, c'était chacun pour soi. L'Allemagne manque de main-d'œuvre pour son industrie et ses fermes. Elle utilise les prisonniers de guerre, les déportés, les jeunes du STO et des volontaires. Ah oui, ben les hommes, je sais qu'ils ont été. Ah ben ils avaient été ramassés pour aller à Mannheim. Parce que là-bas, il y avait. C'était tous les jeunes, j'ai un petit cousin, il est parti. Il avait 16 ans quand il a été emmené pour en Allemagne. Ils sont partis en Allemagne pour aller travailler dans les usines en Allemagne. À Leonberg, il y avait 2 tunnels dans une espèce de colline, de montagne. Et là-dedans, ils travaillaient tous, c'était épouvantable. Ils travaillaient pour Messerschmitt. Et on avait ramassé à la mairie, un Allemand qui était là et qui devait être plus ou moins un chapeau, un surveillant de là-dedans, et qui nous disait, ils tombaient comme des mouches parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'aération. Et quand ils étaient morts, on les mettait là. Et là, alors là, il y avait une espèce de tertre énorme, avec une palissade autour de 30 mètres sur 30 mètres ou quelque chose comme ça. Et c'était là, quand étaient enterrés, tous les décédés de ce camp. Avec de la chaux-vive par-dessus, et puis, basta. Oh ben oui, il n'y avait plus de bonhomme, hein, j'étais tous ramassés. incendiée. On espère être libéré rapidement par les Américains. La résistance armée s'organise. La maquisard sabote les lignes de chemin de fer pour ralentir les renforts allemands. La répression par la Gestapo et la milice française se durcit. La population subit des représailles. Le 6 juin du débarquement, ça, tout le monde a cru que ça y était et ils se sont réunis du côté de Tintru et là, les Allemands l'ont su et ils ont été les raflés. Ah oui, ça, il y a eu... Oui. Ça a été aussi un mauvais passage, là. Toutes les armées allemandes remontent vers l'est de la France. En septembre, des dizaines de milliers de soldats sont dans les Vosges. Ce site montagneux est facile à défendre. La frontière avec l'Allemagne est toute proche. Toute la France avait comme direction de point de ralliement Narsingier. Alors là, on en a vu déferler des militaires et plus encore des civils, voitures civiles, voitures particulières et certainement des voitures ou volées ou réquisitionnées, et qui sont venues se loger chez l'occupant, donc réquisitionnant, et il y en a eu au moins deux ou trois qui sont venus s'installer à la maison. Le 2 septembre, Himmler, bras droit d'Hitler, réunit les principaux chefs allemands à Gérardmer. Il leur ordonne de tenir les Vosges coûte que coûte jusqu'au printemps 1945. Ce délai est nécessaire pour mettre au point de nouvelles armes comme les avions à réaction ou les fusées V1 et V2. Les nazis espèrent encore retourner la situation. Et Saint-Dié était effectivement un point stratégique extrêmement important pour les Allemands comme pour les Français d'ailleurs. Et des combats très rudes ont eu lieu tout alentour. Et on peut dire que Saint-Dié était une ville martyre lors de la libération. La population va aider les alliés d'une façon ou d'une autre. Et il y avait à Saint-Dié un service de renseignement donc, qui fonctionnait, qui était mené par le colonel Andlauer, donc, qui était quelqu'un de Saint-Dié, et qui transmettait des messages radio donc aux Anglais par rapport à la présence de chars dans le secteur, par rapport à la présence de convois de ravitaillement et compagnie. Donc ils envoyaient des messages à Londres. Londres envoyait quelques chasseurs bombardiers qui mitraillaient les trains de munitions allemands et qui repartaient après. Et quand nous passions derrière la gare, j'entends ma mère crier « couchez-vous dans le fossé ». Et là, les avions arrivaient qui mitraillaient la gare. Et je vous dis, le souvenir que j'ai, c'est qu'il faisait très beau ce jour-là. Le ciel était vraiment bleu. C'était avec le recul, maintenant je me dis qu'effectivement il faisait beau, mais il y avait la mort aussi. Saint-Dié est en zone de guerre. Les Allemands réquisitionnent les vélos, les postes de radio. Il n'y a plus de journaux. Les Déodatiens sont coupés du monde, sans nouvelles, sans ravitaillement et avec la crainte que la guerre éclate. C'est la période la plus dure. Et puis est arrivé fin octobre. Et là, la vie a encore une fois de plus changé. On s'est enfoncé. Alors là, dans l'attente. Et puis la crainte en même temps. Il y avait les deux choses, je crois. Le 8 novembre, c'est la déportation donc, des hommes. On vit cloîtré. Les hommes sont partis, mais nous, d'autant plus que notre père n'était, à partir de ce moment-là, avec des faux papiers dans la poche, n'a pas bougé. Nous, je me souviens d'une nuit où des soldats sont arrivés avec à menacer mes parents, que s'ils trouvaient un homme là, ils allaient le descendre. Et moi, j'étais en train de dormir en haut. Et je te dis pas l'angoisse de mes parents et de ma mère, surtout à ce moment-là. Puis bon, ils sont venus, ils étaient un petit peu décédés quand ils sont arrivés dans ma chambre. Et ils m'ont pas tiré dessus. Bon, j'étais quand même jeune, un gosse, quoi. Voilà, ils sont repartis. Mais il y avait des moments très très durs. La nuit, il y avait une soldatesque qui venait tout casser. À partir du 19 octobre, les obus américains tombent sur la ville. Les gens se réfugient dans les caves. Et c'est les Américains qui nous ont bombardés et qui ont fait des massacres parce que les gens venaient voir à la mairie de la rue Stanislas les nouvelles et il y a des gens qui ont perdu la vie, d'autres des membres et il y a eu une période où les Américains n'étaient pas très bien vus. Ils nous libéraient, mais... Donc les Américains bombardent entre le 19 octobre et le 10 novembre, 10-11 novembre, bombardent à plusieurs reprises la ville Et il y aura à peu près une trentaine de morts dues au bombardement américain. Bon, qu'est-ce que font les Allemands? Ben, les Allemands qui se battent dans les forêts autour, bon, qui essayent de les ralentir, à un certain moment, ils s'aperçoivent que bon, ben, il faut se replier sur la Meurthe. Donc comme les Allemands arrivent de l'autre côté, ils vont se replier de ce côté ici. Ils vont mettre le feu à la ville, à tout ce côté-là, parce qu'il est beaucoup plus facile de se battre pour défendre des ruines qui empêchent l'adversaire de se déplacer que de défendre des maisons avec des rues où il peut passer. Et en plus de ça, ça veut dire que les Allemands collent dans les pattes des alliés qui arrivent, des femmes, des gosses, dans un état déplorable parce qu'ils ont faim, parce qu'ils crèvent de faim, parce qu'il y a des problèmes sanitaires, etc. On est en plein mois de novembre, il fait froid, il commence à neiger, il y a des inondations. Donc on envoie tous ces gens-là dans les pattes des alliés en disant « Le temps qui s'occupe de ces gens-là, ce sera toujours ça de gagner. » Baccarat est libéré. La ligne de la Meurthe est franchie. Les Allemands vont détruire Saint-Dié pour que les Américains ne trouvent aucun refuge. C'est l'évacuation, l'ordre d'évacuation de la rive droite sur la rive gauche. Et on se retrouve de nouveau dans l'évacuation. Et en fait, nous pensions toutes les deux que les lignes, c'était la ligne de front. Mais c'était pas la ligne de front, c'était la ligne de chemin de fer. En fait, qu'il a fallu passer de l'autre côté. La ligne de front, là, c'était terrible, parce qu'on se disait, on va partir sur les routes, et puis où est-ce qu'on va aller, et où est-ce qu'ils vont nous envoyer, où est-ce qu'on va atterrir, et comment est-ce qu'on va faire. Alors, tout le monde se retrouvait là. C'était une cohue, on se bousculait, et ce qui m'avait frappé, là, c'est une dame qui devait venir de Romache, une dame âgée, qui avait une petite carriole, mais dans sa carriole, il n'y avait qu'une chèvre. Elle n'avait pas de bagage, elle n'avait rien avec la carriole et la chèvre. Elle partait. Pour quitter, ah ben on est parti à pied. À pied, en poussant le landau de ma fille, avec tout ce que j'avais pu mettre d'autre devant, dessus. Et puis mon petit bonhomme marchait à côté. J'ai une de mes sœurs qui, elle, venait d'avoir son cinquième enfant. Il avait peut-être même pas 15 jours, je crois, celui-là. Mais alors elle est partie, elle avait rien, que ses enfants. Les édifices religieux ne seront pas incendiés. Point de suspension, ils ont été dynamités. Ça fait, comme je vois les couchers de soleil tout rouges en ce moment, 3 jours et 3 nuits, la ville a brûlé. Il a mis des pains de phosphore dans chaque maison. Et ça a été... Ça a été tragique. Ils ont ramené le chat, c'est la seule chose à peu près qu'ils ont ramené. Et puis la triste nouvelle à mes parents. Mes parents ont été d'un calme... Ils n'ont rien dit, ils ont encaissé le coup de savoir qu'il ne restait rien. Donc les Allemands ont décroché à partir donc, du 19 et du 20 novembre, c'est ce qu'on appelle la libération de Saint-Dié. Parce que les Américains étaient chaussés de bottes de caoutchouc, donc on ne les entendait pas marcher. Ils pouvaient défiler comme ça par 100, 200, on ne les entendait pas marcher. Alors que pendant 4 ans, on avait entendu les bottes. Et déjà ça, c'est un... Comment je veux dire, une opposition, si vous voulez. Les Américains arrivent le 21 novembre dans une ville à moitié détruite. C'est l'hiver, la survie s'organise, on loge chez les voisins, on construit des baraquements provisoires. C'était dur. Trop de familles malheureuses d'avoir perdu quelqu'un. Et puis, la ville n'était plus la ville. Ces tas de machins, et puis de l'autre côté... Les commerçants faisaient ce qu'ils pouvaient, mais c'était pas joyeux. Les Américains, avec leur matériel extraordinaire, qui ont fait les fameux ponts bêlés en mécano, comme un mécano. À Saint-Dié, tous les ponts avaient été démolis. Oui, à Raon aussi. Vous savez que nous avons été libérés en 1944 et que les cartes d'alimentation ont duré jusqu'en 1947. Je ne sais pas si vous vous rendez très bien compte. Il a fallu abriter les gens Et c'est pour ça qu'on a, à partir donc de 1945, abrité les gens dans des baraques, qui pour beaucoup ont été fournies par les Suisses. Hein, les Suisses nous ont beaucoup aidés dans la reconstruction, puisque ces baraquements ont été construits, fournis, clés en main. C'était en kit, c'était de l'IKEA. Hein. Ça arrivait, on avait le plan, et puis allez hop, d'après le plan, tac, tac, tac, le mur de planche comme ça, la porte ici comme ça, hop, et en une journée, on avait terminé la baraque. Quoi. Donc ça veut dire que les gens ont vécu pendant, pour certains, 4 ans, 5 ans encore, dans les baraques, avant de trouver quelque chose en dur. D'ailleurs, quand ils ont voulu reconstruire, ils avaient fait appel à Le Corbusier, ça a été la catastrophe. Il n'y a qu'une usine à Saint-Dié, Claude et Duval, qui est Le Corbusier, parce qu'ils voulaient faire 5 ou 6 bâtiments où tout le monde aurait été logé, et puis de la circulation formidable autour. Enfin, ça a été vraiment la catastrophe pour les Déodaciens, parce qu'ils avaient tous leur petite charrette pour aller en course, ils avaient tous... des dégagements de leur appartement un peu bric-à-brac, quoi. Oui, nous étions des partisans de Le Corbusier. Donc, on défendait le projet de Le Corbusier. Ils ont été très déçus que ça ne se fasse pas, quoi. Mais bon, alors, la construction, bien sûr, on a vu tout ça. Mais ce qui nous intéressait, c'était le projet de Le Corbusier. La reconstruction dura jusqu'aux années 50. Les prisonniers et déportés reviennent petit à petit chez eux. Certains ne reviendront jamais. Moi, mon mari a été déporté et il n'est pas rentré. Je n'ai jamais su ce qu'il était devenu. Alors on allait, je me souviens qu'avec mon beau-père, on allait à la gare quand il y avait des trains de déportés qui rentraient. Et il y en a même une fois qui nous a dit « Ah, Jacques Kinner, ben oui, il est dans le train suivant ». Mais c'était pas vrai. Autre chose qui m'a aussi choquée, c'est, je l'ai déjà dit, mais c'est, je me trouvais rue d'Alsace aussi, le défilé, avec tout de même pas trop de foule, tout de même, des femmes qui avaient peut-être fréquenté des Allemands et que l'on a tondu. Ça, c'était horrible. Je me trouvais là par hasard, parce que jamais je ne serais allée voir ça. Alors là, je pleurais, je crois, de voir ces femmes qu'on avait tondu et qu'on obligeait de défiler là dans la rue. Combien de jeunes, combien de jeunes femmes, de jeunes hommes sont morts pour effectivement au service de notre pays. Il faut bien que nous réfléchissions, que nous sachions qu'il fut un temps où des gens, à travers toutes les difficultés, malgré leurs blessures, malgré leurs souffrances, et ont travaillé, se sont engagés, ont risqué leur vie, sont morts pour qu'aujourd'hui nous soyons tous en liberté, dans un pays de liberté. C'est un sujet qui nous fait devoir d'une sincérité particulière. L'engagement français en Afghanistan commande que l'on dise ce que l'on pense par respect pour ceux qui, ayant obéi, ils sont morts. 89, nous en avons perdu sur place. Il en est encore qui souffrent parce qu'ils sont vivants, blessés. On peut en rencontrer à l'hôtel des Invalides. Par conséquent, tout ce que j'ai à dire, naturellement, je le dis en commençant par saluer et exprimer mon respect aux familles des morts et à ceux qui ont souffert. Il n'empêche que, depuis le premier jour, j'ai eu la possibilité d'exprimer mon opposition absolue à cette guerre d'Afghanistan, dont je n'ai pas cru un instant qu'elle était ce qu'on en disait. Les Américains y sont entrés avec l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, ça manque pas de sel, l'Afghanistan n'ayant aucune frontière sur l'Atlantique Nord, ils y sont entrés pour châtier, paraît-il, les auteurs, pour châtier les auteurs de l'attentat du 11 septembre. Ceux qui connaissaient un peu le dossier savaient que ce n'était pas possible, parce que on ne peut pas croire que l'attentat ait été organisé depuis là, et d'ailleurs M. Ben Laden, dont les autorités approximatives de l'époque avaient proposé de le donner à la justice des États-Unis d'Amérique, ce qui avait été refusé, M. Ben Laden, pour terminer, a été capturé au Pakistan. Donc il était clair qu'il n'était pas là où on comptait l'y trouver. Mais ce n'est pas la seule raison purement formelle, on savait, les Français savaient que Anglais et Américains s'entraînaient depuis déjà 2 mois et avaient prépositionné des forces dans la région. Par conséquent, ce n'est pas l'attentat. L'attentat a servi en quelque sorte de prétexte à l'intervention. Ce qui était alors en jeu, c'était déjà une politique de contournement de la Russie pour installer un pipeline qui devait contourner la Russie, et c'était ça l'objet essentiel. Les conversations avaient été très engagées entre les pétroliers américains et le gouvernement afghan de l'époque, et la compagnie nord-américaine était la compagnie Unocal. À la fin, j'ai connu un diplomate, non plus diplomate à l'époque, qui m'avait dit « Mais monsieur Mélenchon, même si vous aimez les marchands de chaussures, que diriez-vous si dans le gouvernement français, il y avait sur 20 ministres, 17 marchands de chaussures ?» Eh bien, il dit « Ben nous, c'est ce qui nous arrive, sur 20 ministres, il y en a plus de 15 qui sont des pétroliers, aux États-Unis d'Amérique. » Alors, dans cette ambiance, le représentant particulier de la compagnie Unocal a été désigné par M. Bush pour organiser les négociations. M. Bush lui-même avait un rapport avec la compagnie Unocal. Le président Aziz Karzai, si je me souviens son bon, était lui aussi consultant de la compagnie Unocal. Si on veut comprendre la guerre d'Afghanistan, il faut suivre le pipeline. Et ce n'est pas le seul cas où les guerres n'ont aucune autre signification que d'être un accompagnement ou une préparation du passage des pipelines. Dans ces conditions, je rappelle, évidemment, nous avons encore eu un attentat, que la guerre d'Afghanistan est gagnée depuis le 17 décembre 2001, puisque c'est là que les États-Unis d'Amérique ont annoncé leur victoire. Naturellement, il n'en est rien. On le sait tous autant qu'on est. Des élections présidentielles ont lieu, oui, on va appeler ça comme ça, des élections présidentielles. La fois d'avant, lorsque M. Karzai a représenté sa candidature, je parle avant le président actuel, il y avait un risque au deuxième tour, alors on a tout bloqué jusqu'à ce que le second, qui devait être présenté au deuxième tour, retire sa candidature et que M. Karzai puisse être candidat tout seul. Cette fois-ci, les élections devaient avoir lieu le 20 avril, elles ont été reportées au 20 juillet, et ensuite au 28 septembre. Il y a fort à parier qu'après l'abominable attentat qui a eu lieu dans un meeting, c'est une tuerie auquel on ne peut s'habituer quand on les regarde un peu, qu'on suit, qu'on comprend de quoi il s'agit. Ce sont à chaque fois des meurtres de masse, dans une sauvagerie absolument indescriptible. Mais il faut dire que nous-mêmes, ou en tout cas les États-Unis d'Amérique, montrent un curieux exemple. Tout de même, est-ce qu'une seule personne se souvient ici du fait que les États-Unis d'Amérique ont expérimenté en Afghanistan la plus grande bombe conventionnelle qui ait jamais été tirée de toute l'histoire de l'humanité. Je dis conventionnelle, c'est-à-dire non nucléaire. Cette bombe a été jetée sur l'Afghanistan, elle représente la puissance de destruction de la bombe d'Hiroshima. Et personne n'a parlé nulle part, ni des raisons pour lesquelles une telle arme a été jetée sur les Afghans, ni les résultats qu'on en attendait, et certainement n'ont-ils pas été brillants, puisque nous voici rendus de nouveau à une situation où les trois quarts du territoire ne sont contrôlés par personne, c'est-à-dire sont contrôlés par les bandes rivales qui constituent l'opposition au pouvoir actuellement en place. Et c'est dans ce contexte que nous voici avec un accord de libre-échange, alors, qui paraît tout à fait extraordinaire, un accord de libre-échange avec l'Afghanistan. D'abord, nous, pour des raisons de principe, nous sommes contre le libre-échange, nous n'y croyons pas. Nous pensons que la coopération permet un travail correct d'un pays à l'autre, mais que le libre-échange part d'un postulat qui est que du moment que les marchandises circulent, tout va bien. Non, c'est le plus puissant qui finit par l'emporter et écraser les productions locales. Je me demande bien ce que les Afghans ont l'intention de nous vendre. Ce que je sais, c'est que dans la période d'occupation des Nord-Américains, l'Afghanistan, dont avait été éradiquée la production de drogue, est redevenu le premier producteur mondial de drogue, sous les yeux de l'armée américaine, et d'ailleurs c'est là qu'ils plantaient les zones qui étaient soi-disant, enfin, nommées comme zones sécurisées. Nous voilà donc avec un accord de libre-échange, et moi je dis très tranquillement aux collègues, je suis sûr que ceux qui vont voter pour cet accord, quoi ? Oui, oui, mais c'est pareil. Mais oui, mais bien sûr. Mais évidemment, ben c'est, bon, ben c'est mon analyse. C'est un accord de libre-échange, le énième dans le même genre. L'accord de coopération en matière de partenariat et développement entre l'Union européenne et l'Afghanistan. Par la force des choses, c'est un accord de libre-échange. Mais attendez, je vais entrer dans le détail, j'ai compris le reste. Mais sur le plan commercial, je veux quand même que les collègues sachent ça. On n'a jamais vu l'Union européenne signer autre chose que, en matière de commerce, du libre-échange. Maintenant, puisque vous m'y invitez, monsieur le ministre, de manière impatiente, je le vois bien, je voudrais vous dire que le reste ne sent pas meilleur. L'article 4 promeut les droits de l'homme, c'est parfait, ils n'ont aucune réalité là-bas, puisque la Constitution elle-même est placée sous l'empire de la religion et qu'il existe un conseil qui examine chaque loi du point de vue de sa conformité à la religion. Dans les droits de l'homme, le premier est la liberté de conscience. La liberté de conscience n'existe pas dans ce pays. Je le déplore, évidemment, et je ne veux pas dire qu'on n'ait pas le droit d'avoir une religion, ni même qu'un législateur ne puisse pas s'inspirer de ce que lui suggère sa religion personnelle, mais que la religion devienne la base de la constitution d'un État, non, ça s'appelle une théocratie, et dès lors que c'est une théocratie, il n'y a pas de liberté de conscience, donc les droits de l'homme n'existent pas. L'article 5 promeut l'égalité femmes-hommes, tant mieux, je veux dire, on peut faire une longue liste de souhaits, mais l'Assemblée a le droit de savoir que dans l'actuelle législation de l'Afghanistan, le mari, par exemple, a le droit de refuser soins et nourriture à sa femme si elle lui refuse des rapports sexuels. De la même manière, une femme doit obtenir l'autorisation d'une autorité masculine pour ouvrir un compte en banque. De la même manière, une femme n'a pas le droit de recevoir un héritage. En vain me dira-t-on que ce sont des prescriptions liées à la religion, non à une interprétation particulière de la religion, la plus féroce qui se fait dans cet endroit. L'article 24 promeut l'état de droit. Eh bien, il ne reste plus qu'à l'observer. Comment peut-on parler d'un état de droit dans un pays qu'une puissance étrangère peut, dans lequel une puissance étrangère peut faire ses essais d'armement ? L'Afghanistan est appelé dès l'article 1, pardon, monsieur le ministre, parce que c'est la raison pour laquelle j'ai commencé par ça, parce que je voulais m'en débarrasser. Mais l'article 1 appelle à supprimer les entraves au commerce. Alors là, voilà quelque chose d'assez extraordinaire pour être souligné. Les entraves au commerce avec l'Afghanistan. L'article 13 fait l'apologie des règles de l'OMC. Et vous voudriez qu'on vote ça. L'article 20 invite à faciliter la circulation des capitaux. Ah ben pas moi. Je ne suis pas d'accord pour que circulent les capitaux afghans dans la mesure où leur origine est criminelle pour la plus grande partie d'entre eux. L'article 37 vise l'exploitation des ressources naturelles et chacun comprend qu'il s'agit d'y faire respecter la liberté du commerce, blablabla, et tout ce qui va avec, c'est-à-dire le droit des Américains de prendre ce qui leur plaît dans ce pays, puisqu'ils y sont déjà en armes, et quoi qu'ils aient gagné il y a maintenant depuis 18 ans, ils y sont encore 14 000 sur place. Nous autres, les Français, on a payé cher de les accompagner dans cette aventure qui n'avait pas de sens. On n'a jamais su qui on combattait. Je le dis pour les collègues qui s'intéressent de près à ces choses, et s'ils sont dans cet hémicycle, c'est que c'est le cas. Alors c'était tantôt des rebelles, tantôt des talibans, tantôt des insurgés, mais qui combattait-on au juste? Eh bien, ils n'ont jamais été nommés d'une quelconque manière précise que ce soit. J'ajoute que, dans le passé, à part le pétrole et l'expérimentation des armements, nous-mêmes, nous avons tiré une quantité de munitions qui, à l'unité, valait 1,3 million. Bon, alors le matériel fonctionne, mais personne ne nous a jamais parlé du bilan de l'utilisation d'un tel matériel aussi sophistiqué pour aller bombarder des grottes, des huttes et des tranchées comme chacun les connaît là-bas. Il y avait aussi la chasse aux subventions. Les collègues doivent savoir qu'un seul jour de la guerre qui a été menée là-bas, un seul jour de la guerre, aurait suffi à nourrir et instruire tous les enfants afghans. Mais la vérité, c'est que le 85, comme cela a été dénoncé par un rapport qui a été présenté au Parlement européen, et dont j'ai une fraîche mémoire, puisque j'étais membre de cette commission au Parlement européen, eh bien, ce rapport établissait que 85% des sommes qui étaient investies ou données à l'Afghanistan pour le reconstruire, l'aider à faire ceci, l'aider à faire cela, 85% de ces sommes revenaient vers, on réouvre les guillemets, l'Occident, c'est-à-dire les pays occupants et leur personnel qui était présent sur place. Si bien que ce pauvre pays a fonctionné comme une espèce de pompe à alimenter des circuits financiers dont il n'a jamais eu le bénéfice. Évidemment, ça ne m'empêchera pas à ce moment de saluer, bien sûr, le travail des nôtres là-bas, la restauration du lycée français, ces choses magnifiques que quelques pauvres personnes essayent de maintenir en état de marche. Revenons au point de départ. Les Russes sont entrés en Afghanistan au moment où les alliés de l'OTAN, eux, par le biais de M. Saddam Hussein, entraient en Iran. C'était l'époque où on craignait que tout le système de la zone s'effondre du fait du triomphe de la République islamique d'Iran. Les Russes ont été battus par la résistance de l'Afghanistan, qui de toute façon résiste d'une manière telle que personne ne les a jamais vaincus, que ce soit les Anglais, les Américains, les Russes, qui que ce soit, tout le monde qui est passé par là a été battu pour les mêmes raisons à chaque fois, qui est qu'on ne peut pas imposer de force à des gens, un régime dont ils ne veulent pas. Les Américains ont entretenu ce qui s'appelle Al-Qaïda, qui a changé de nom à plusieurs reprises. Al-Qaïda, cela signifie en arabe « la base ». La base, Al-Qaïda et Monsieur Ben Laden sont des créatures de l'organisation nord-américaine en lutte contre l'URSS. Et à partir de là, comme toujours dans ce genre de situation confuse où chacun vient et amène ses propres raisons de combattre et repart avec elles, la situation a dégénéré au point que Al-Qaïda est devenu le monstre dont tout le monde a le souvenir, jusqu'à l'exécution de son fondateur, mais sans que pour autant la force politique ait été constituée de cette manière ne soit jamais dissoute. Aujourd'hui, de nouveau, ceux qui ont été vaincus en Syrie ont fait le déménagement de retourner en Afghanistan, d'où beaucoup étaient passés pour instruction auparavant, et on peut imaginer que, hélas, la guerre va prendre de nouveau une tournure à laquelle je ne crois pas que nous soyons en état de répondre avec de tels procédés. J'avoue, que si je devais dire par quel bout il faut prendre une situation pareille, je serais aussi embarrassé que vous, monsieur le ministre, et que tout le monde l'est concernant ce pays. Ce qui est certain, c'est que les guerres qu'on y mène ne nous mènent nulle part. Maintenir sur place des marionnettes, à la fin, ne fait que nous obliger à consentir à des choses insupportables. La nouvelle constitution de l'Afghanistan a été élaborée par une assemblée coutumière religieuse qui a décidé des règles d'organisation politique de ce pays. Mais qu'est-ce que nous faisons là-dedans? Il faut laisser ce peuple en paix, s'en débrouiller comme il veut de sa propre situation, et voir ensuite avec qui on peut discuter, à la condition, évidemment, que les gens qui finissent par surnager aient un minimum de légitimité. Aussi longtemps que nous croirons que nous pouvons fabriquer de l'extérieur des légitimités, nous n'arriverons à rien dans ce coin. J'ai dit, Français, on a payé cher. 89 morts. On a eu jusqu'à 5000 soldats là-bas. Le président Sarkozy avait voulu qu'on figure de manière très digne dans la bataille, si bien que nous avions le coin le plus pourri d'Afghanistan a été pour les Français. Tout là-bas au fond, d'où les Anglais étaient installés dans leur guerre à eux, et dont ils sont revenus cas un cas, les deux tiers de leur contingent ayant été assassinés en cours de route. Voilà ce que nous avons fait. Voilà, je finis. Je redis ma gratitude aux combattants français. Je vous redis que nous ne sommes en train de rien régler, que pour ma part, je ne voterai pas quelque chose qui ne correspond à rien de ce à quoi je crois. Un dernier mot, monsieur le ministre. Ayez soin des traducteurs de l'armée française. Il n'est pas normal qu'ils aient été abandonnés comme ça. Seulement quelques-uns ont eu le droit d'asile. Si quelqu'un mérite le droit d'asile, ce sont les supplétifs qui ont aidé nos forces sur place et qui sont menacés de mort et vivent dans l'errance, à la rue, avec des enfants terrorisés, avec des familles, des fois, qui sont restées en cours de route. Voilà. Monsieur le ministre, je suis sûr d'avoir l'assentiment de mes collègues. Pitié pour nos traducteurs. Merci. Merci. Après Fukushima, nombreux sont les pays qui se sont posé la question de l'après-nucléaire et du démantèlement de nos vieilles centrales, parfois dépassées technologiquement et pouvant devenir dangereuses. Mais les concepteurs des centrales nucléaires ont-ils réellement pris en compte l'éventualité d'un démantèlement ? À quelques kilomètres de là, Sulaine, le plus grand site au monde pour le stockage des déchets nucléaires en surface. On y trouve des déchets de faible et moyenne activité à vie courte. Nous ne pourrons pas visiter ce centre de Sulaine. Pour quelle raison ? Nous ne le saurons pas. Ce qui est certain, c'est que ce site est l'objet de toutes les attentions des antinucléaires de la région. Donc je suis là aujourd'hui, 8 novembre. Il est à peu près 16 heures dans l'environnement du centre de stockage de déchets radioactifs de l'Aube, en train de mesurer le flux de rayonnement gamma avec ce centimètre DG5. Si on pointe le détecteur vers le hangar de déchets radioactifs, on mesure plutôt 470-500 secondes. Mais si on fait face à la forêt, le niveau de rayonnement au même endroit est baissé, puisque là on descend en dessous de 400-300 coups par seconde. Pourquoi ? Parce que mon corps fait écran au rayonnement, c'est-à-dire que mon organisme est en train de recevoir une partie de ce rayonnement gamma. Ça veut dire que si ce rayonnement est atténué, c'est qu'il est atténué dans notre organisme et donc il crée des ionisations dans notre organisme. Moi, je me souviens d'une image qui m'a frappé. Quand on mesure comme ça, on a 680 coups de mémoire. Il se retourne comme ça, Bruno. Puis il a dit, tu vois, j'en ai plus que 300. Ça veut dire que les autres, ils sont dans mon corps. C'est mon corps qui est en train d'absorber les rayons gamma. Et c'est ce jour-là que j'ai compris ce que c'était que la radioactivité. Le rayon gamma a une grande force de pénétration, mais il faudrait vivre en permanence près de la source radioactive pour être en danger. Imperturbable, Landra communique par des vidéos censées rassurer et convaincre ceux qui, a priori, ne voulaient pas d'une poubelle nucléaire devant leur porte. Le rôle de Landra, c'est d'apporter une information la plus transparente possible, la plus régulière, qui permet aux riverains de connaître la réalité de ce qui est fait. Et ce que l'on constate, c'est que sur les centres en exploitation de Landra, nous avons progressivement pu acquérir de plus en plus de confiance de la part des populations. Si on vous propose d'installer un tas de fumier devant votre résidence secondaire en disant c'est là qu'on a décidé qu'on va le mettre et c'est bon pour vous. Alors au départ, le tas de fumier vous explique qu'il va sentir la rose, quoi. C'est du fumier spécial, etc. Après, il va vous rapporter de l'argent parce que au mètre carré, on va vous mettre un chèque sur la table. Enfin, tout est biaisé. Tout le cheminement pour imposer, parce que c'est imposé. Personne ne veut de déchets à côté, au bout de son jardin. Si le débat est déjà houleux pour ces déchets à Soulaine, ce n'est rien comparé à celui qui concerne le projet de stockage des déchets les plus radioactifs. Landra étudie depuis 20 ans déjà la faisabilité d'un stockage à 500 mètres de profondeur dans l'argile, un projet appelé CIGEO, et si l'on en croit le discours officiel, on ne pourrait pas faire autrement. Alors pour les déchets les plus radioactifs et à vie longue produits par l'industrie nucléaire française, des solutions de stockage en surface ne suffisent pas. Pourquoi ? Parce que ces déchets vont rester radioactifs pendant des très longues durées de temps, ça peut être des centaines de milliers d'années, et sur ces durées, on ne sait pas garantir qu'un stockage de surface gardera le confinement. C'est pourquoi la solution qui a été retenue par la France dans la loi de 2006, mais qui aussi au niveau international s'impose à tous les pays qui ont à considérer le problème, c'est le stockage en couche géologique profonde. Voilà, alors là c'est... Bon, moi j'aime bien le montrer aux visiteurs parce que quand on parle d'argile, enfin c'est le vrai nom, c'est une argilite, une roche argileuse. Mais quand on parle d'argile, le public a souvent en tête l'argile du potier ou celle des masques de beauté. Malléable. Malléable, on imagine une roche meuble, hein, voilà, molle. Alors qu'en fait on a une véritable roche. Et cette roche, elle a 165 millions d'années. Elle s'est donc déposée en milieu marin. Toute l'eau qui était mobile en a été expulsée au cours du phénomène de sédimentation. Et on a maintenant donc une roche qui est quasiment imperméable, en tout cas à l'échelle qui nous intéresse. Et comme vous parliez de stabilité, c'est une garantie de stabilité selon vous? Ça fait partie des critères de stabilité, effectivement. Quoi. Tout est prévu depuis l'arrivée des colis jusqu'à leur placement dans des alvéoles creusées dans l'argile. Le lieu de stockage sera stable durant des millions d'années, c'est Landra qui le dit. L'argile serait donc en passe de remplacer le sel, dont on vantait pourtant les vertus pour neutraliser la radioactivité. Voici 40 ans en Allemagne, on décide de stocker des déchets radioactifs dans une ancienne mine de sel, à 500 mètres de profondeur. Un stockage à la va comme je te pousse dans un trou creusé dans le sel que les Allemands vont payer très cher. Car dès 2004, la montagne bouge, l'eau s'infiltre, le sel craque et certaines parois s'effondrent. Nous sommes juste en dessous de la montagne et la pression sur les murs est énorme. On peut d'ailleurs voir que des fissures se forment. Elles sont très importantes et à intervalles réguliers. Si je mesure, il n'y a pas de résistance à 1 mètre ni à 2 mètres. On sait aujourd'hui que les fûts contiennent bien plus de plutonium que prétendu au départ, mais encore du cobalt ou du strontium. Les ouvriers passent leur temps à colmater des brèches en injectant du béton, pendant que d'autres contrôlent tous les jours le taux de radioactivité dans la mine. Une course contre le temps, car de manière inexorable, la montagne de granit qui jouxte la mine de sel exerce une énorme pression en bougeant de 10 cm par an. On a mis des poutrelles en fer et vous voyez comme elles se sont déformées en quelques années. Il y a même des fissures qui apparaissent. La radioactivité s'échappant des fûts éventrés est telle que ces déchets sont dans l'immédiat inaccessibles. Espérant les récupérer un jour, l'Allemagne continue de dépenser ici des millions d'euros. J'ai ici un article de 1973 qui parle du sel comme d'un stockage sûr. Et c'est exactement le message que l'on nous a fait passer pendant tout ce temps. Même à des ministres au niveau fédéral. Ils sont partis contents car les scientifiques leur ont expliqué que la technique était sûre. Et c'est comme ça que la population les a crus. Aujourd'hui, les autorités allemandes jouent la transparence pour regagner la confiance de la population. Des visites de citoyens sont régulièrement organisées à Asse. Il faut que la population croie à nouveau ce que dit l'État. En Allemagne, on a pris la décision d'enfouir en profondeur les déchets pour éviter le contact avec l'atmosphère pendant des milliers d'années. C'est le sujet du moment et aucun site n'existe encore dans le monde. Que ce soit du granit, du sel ou de l'argile, les experts doivent se mettre d'accord. Mais il faut commencer dès maintenant. Malgré l'échec cuisant de Asse, un autre site d'enfouissement est en préparation à Konrad. 1000 mètres de profondeur dans une ancienne mine de fer. Avec l'objectif affiché de ne plus toucher aux déchets qui y seront stockés. Ce sera un enfouissement irréversible pour des déchets de faible ou moyenne activité à vie longue. Ce raisonnement répond à une logique. En cas de stockage des déchets en surface, nous laisserions aux générations futures l'obligation de s'en occuper. ...40 km de galeries creusées à l'aide d'énormes tunneliers, le chantier de Konrad est gigantesque. Les premiers castors les containers renfermant les déchets nucléaires sont attendus ici dans 2 ou 3 ans. Des animations en 3D à destination du grand public montrent des manipulations de déchets essentiellement mécaniques. La sécurité des travailleurs à 1000 mètres de profondeur et l'environnement à la surface de la Terre seront préservés. Nous avons examiné et calculé les risques selon les pires scénarios. Et si on prenait le pire des scénarios, il n'y aurait pas de fuite radioactive avant au moins 300 000 ans. Et d'ici là, la radioactivité des déchets entreposés aura baissé en dessous du seuil critique. Il y a 40 ans, on nous a dit que Asse était le meilleur endroit. Les experts, les politiques, l'industrie nucléaire, tout le monde l'a dit et s'est trompé. Nous ne sommes pas certains que dans 40, 50 ou 80 ans, on ne se soit pas trompé de nouveau. Quand on stocke des déchets nucléaires de façon à ce qu'ils ne soient plus accessibles, c'est pour moi une solution antidémocratique. Un vrai débat sur le projet d'enfouissement en grande profondeur, c'est aussi ce qu'attendent les habitants de la région de Bure. Une population qui s'inquiète. L'ANDRA ouvre donc ses portes à quiconque s'intéresse au projet de stockage des déchets. L'ANDRA fait son travail de communication. Ce sont des professionnels de la communication, plus que de l'enfouissement d'ailleurs, à mon avis. Non, puis ils font appel aux meilleures agences. Attends, moi j'ai la chance d'avoir fait 40 ans de com' dans ma vie, je sais comment ça se passe. Hein. Quand vous interrogez les gens, il y en a même qui croient que c'est déjà fait. Hein. Il y en a qui croient qu'on a déjà commencé à enfouir. C'est fait, ce que vous voulez faire, c'est fait. Voilà. Bon. Puis en plus, comme on a arrosé de pognon, c'est un député qui l'a raconté, c'est l'argent qui dégouline. L'argent qui dégouline, quoi. Mais c'est une forme de prostitution, quoi. Hein, ils échangent leur terre contre du fric, c'est dramatique. On paye pas le ramassage scolaire, on paye pas le ramassage des poubelles, les petits vieux, ils ont un bobo, ils téléphonent, on leur envoie un taxi, enfin bon. Et je vous raconte pas, les associations locales, elles peuvent faire des choucroutes parties tous les samedis, c'est gratuit, quoi. Non, c'est scandaleux. Ils achètent les consciences. La vision idyllique proposée aux visiteurs par l'ANDRA ne rassure pas tout le monde. Pour preuve, ce débat, organisé en mai dernier dans un village proche de Bure. Devant une salle pleine, un habitant de la région, Bertrand Thuillier, docteur S sciences et expert en sécurité, affirme que le projet de Bure comporte des risques. Les colis bitumineux, entre autres, sont prévus pour laisser échapper l'hydrogène. L'hydrogène, parlons-en un peu, ça a une fâcheuse propriété, c'est que en présence d'oxygène, et quand vous dépassez ce qu'on appelle une limite inférieure d'explosivité, au-delà de 4%, la moindre flamme, la moindre étincelle, ça fait péter votre espace, là où il y a de l'hydrogène. Risque d'explosion, Bertrand Thuillier n'a rien inventé. Il a simplement décortiqué les 4000 pages de documents officiels de l'ANDRA. Il a ainsi noté que l'agence évoquait toute une série de problèmes comme le risque d'incendie provoqué par exemple par un des engins qui serviront au stockage des déchets. Imaginons que cet engin est dans une galerie, on voit la difficulté d'arrêter la ventilation sur le moment. Il faudrait déjà évacuer le personnel, il faut déjà faire en sorte d'évacuer les fumées, les matériels sensibles éventuellement. Et tout ça, ça peut prendre du temps. Et si l'incendie se développe, il est certain que là, on court à la catastrophe. Parce qu'on est dans un milieu souterrain, parce que les conditions d'accès sont plus difficiles, parce que, à moins d'avoir des équipes de secours directement sur place, on ne pourra pas intervenir directement. Disons que là, on peut arriver à une conjonction de situations qui ferait qu'on serait dans une situation vraiment très délicate. Bon, donc là, on a les références, etc. Et on voit les incertitudes sur les résultats des simulations thermiques impliquant l'incendie d'un véhicule transportant un colis de stockage d'enrobé bitumineux. Donc, on sait, ne permettent pas à ce stade de s'affranchir du risque de relâchement radioactif en cas d'incendie. Donc, l'incendie peut provoquer des fuites radioactives. Voilà. Et grosso modo, c'est ce qui est écrit. Exactement. Landra aurait donc écrit en substance « Ce stockage est dangereux, mais on va le faire quand même ». L'investissement humain et surtout financier déjà réalisé, près d'un milliard d'euros, est tel que l'abandon du projet n'est pas envisageable. En l'absence de sites de stockage de déchets, on peut se retrouver dans des situations aberrantes. C'est le cas aux États-Unis, dans le Vermont. Entergy, propriétaire de la centrale Vermont Yankee, a décidé de prolonger la vie de son installation qui a déjà 40 ans. Et ce, alors que chacun s'attendait à la mise à l'arrêt de cette centrale, qui est du même type que celle de Fukushima. Pour nous, tant que le réacteur continue de fonctionner, il devient plus dangereux chaque jour. Il est vieux, il a plus de 40 ans. Il est en train de s'autodétruire. Les tuyaux sont rouillés, les fils électriques provoquent des courts-circuits. Il y a aussi des fuites dans les tours de refroidissement. C'est pour ça qu'on sent qu'il est urgent de l'arrêter. Randy Keller est avocat et l'une des figures du mouvement anti-nucléaire aux États-Unis. Il est de ceux qui ont convaincu le gouverneur de l'État d'exiger le démantèlement de la centrale. Mais jusqu'ici, la justice a donné raison à Entergy. Vermont Yankee ne sera donc pas démantelé tout de suite. De toute façon, il n'existe aucune solution pour ces déchets. Quel que soit l'endroit où on stocke, ça va coûter de l'argent. Et le problème que l'on rencontre, c'est que tout ce qu'on nous propose comme des solutions et que le gouvernement a bien voulu envisager en termes de traitement des déchets consiste soit à les laisser dans la cuve de combustible, très mauvaise idée, soit à les enfermer dans des barils de stockage à sec, c'est ce que vous avez vu à Maine Yankee, soit à les emmener dans un dépôt géologique naturel. Et ce que nous préconisons, nous, à Beyond Nuclear, c'est de ne rien déplacer avant d'avoir trouvé l'endroit idéal pour les stocker. Et pour le moment, il n'y en a aucun. Un démantèlement se révélera beaucoup plus risqué dès que l'on va s'approcher du cœur du réacteur. À Brennilis, EDF va s'attaquer à un chantier extrêmement délicat de la phase 2 du démantèlement. Le démontage d'immenses bouteilles d'acier de 20 mètres de haut, 16 au total, dans lesquelles circulait le gaz chaud qui faisait tourner les turbines. Objectif d'EDF, démonter et découper ces échangeurs de chaleur sans les avoir décontaminés au préalable. Problème, pour Michel Marzin, qui a travaillé 25 ans dans la centrale de Brennilis, ces échangeurs sont fortement contaminés. Le combustible ici, ce sont des pastilles fritées qui sont accumulées dans des gaines. Hein. Ces gaines sont en zirconium, elles sont le plus minces possible pour que le transfert de chaleur se fasse le mieux. Et de temps en temps, défaut de fabrication ou surchauffe quelque part, elles se fissurent et elle lâche l'uranium, les pastilles d'uranium qui sont à l'intérieur. Et donc, on retrouve du plutonium, de l'uranium, et puis, bien sûr, tous les radioéléments des produits de fission qui fichent le camp dans la circulation de CO2 et qui tournent en boucle dans ce circuit. Donc, pour vous... Donc, dans les échangeurs, il y en a... Contamination s'est produite en exploitation, mais pas des noyaux lourds comme des noyaux de plutonium. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune caractérisation qui a été faite, et elles sont nombreuses, qui démontrent qu'il y a du plutonium. Donc tous ces déchets sont des déchets 90% très faiblement actifs et 10% sont moyennement actifs. Mais avant de les découper, il vaut mieux les décontaminer. Parce que si on les découpe directement, on va disséminer ces produits qui sont hautement radioactifs à vie longue. On va en mettre sur les murs de l'enceinte étanche. Il va falloir encore râper tout ce béton. Ça va durer une éternité et on va contaminer des gens. La stratégie adoptée à Brennilis est d'autant plus surprenante qu'à chaud, dans les Ardennes, EDF fait tout le contraire avec les générateurs de vapeur, des éléments comparables aux échangeurs de chaleur. Donc ces trois générateurs de vapeur ont été extraits de la caverne réacteur. Ouais. Les deux que vous voyez ici ont été décontaminés chimiquement. C'est-à-dire qu'on a ôté quasiment toute la radioactivité qui était contenue à l'intérieur des tubes du générateur de vapeur. Ces tubes étant en contact avec le fluide primaire, qui lui-même est en contact avec le combustible. D'accord. Donc le but, c'est de les envoyer en monobloc pour des questions d'abord de sécurité, hein, parce que chaque découpe, ça va engendrer des risques supplémentaires. Donc on les envoie en monobloc, en centre de stockage, TFA, à l'endroit. D'accord. Décontamination sans découpage à chaud. Découpage sans décontamination à Brennilis avec une possible mise en danger des travailleurs. C'est ce que craint Dominique Huez, qui a travaillé durant 30 ans en tant que médecin à la centrale de Chinon, dont un réacteur est en cours de démantèlement. Ce que je sais, c'est que si c'est bien décontaminé, à la fin, ça ne le sera pas. Thank you. Aux difficultés que traverse actuellement le marché commun s'ajoute la nouvelle qui a été accueillie souvent avec stupeur hier. Le chancelier ouest-allemand, le prix Nobel de la paix, Willy Brandt, a démissionné. Or, M. Willy Brandt était l'un des piliers de l'Europe et probablement celui qui aurait permis le mieux de définir des relations entre l'Europe et les États-Unis. La presse allemande, dans son ensemble, regrette la démission de Willy Brandt, mais elle accueille plutôt favorablement le choix du Parti social-démocrate pour sa succession. Il s'agirait de M. Helmut Schmidt, le ministre des Finances. Quant aux raisons précises de la démission du chancelier, certains estiment qu'elle est due à la crise économique et sociale en Allemagne, d'autres qu'il s'agit bien de cette affaire d'espionnage avec l'Allemagne de l'Est, une affaire pour laquelle le chancelier a souhaité lui-même prendre la responsabilité politique. Entre l'Est et l'Ouest, l'espionnage est bien une réalité. De Bonn, Michel Meyer. Ces événements sont déjà inscrits dans l'histoire. Tout le monde sait qu'après leur victoire commune de 1945 sur l'Allemagne, Américains et Russes allaient s'opposer malgré le partage du monde de Yalta. Tout naturellement, avec la guerre froide, l'Allemagne allait se couper en deux zones principales. Signe extérieur de cette tension, une nouvelle ligne de démarcation, le mur de Berlin. Plus secrètement, le territoire allemand allait aussi devenir le cadre privilégié d'une guerre des ombres sans précédent. Rien qu'avant la construction du mur, plus de 2 millions d'Allemands ont fui la zone russe et rejoint l'Ouest. Parmi ces réfugiés, il était donc facile d'infiltrer des agents qui sont à présent devenus le noyau de l'armée du silence de l'Est dans le monde occidental. Plaque tournante de ces activités, Berlin est tout naturellement Bonn, la capitale fédérale. En République fédérale, on évalue actuellement à 11 000 le nombre des espions encore en activité. La plupart arrivent de l'Est. Une centaine d'entre eux seraient hautement placés dans l'appareil politique, économique et syndical de la République fédérale. Le réseau téléphonique de la République fédérale est peut-être le plus écouté du monde. Personne ne s'en scandalise, c'est une nécessité devenue évidente. Il n'est donc pas surprenant que la biographie de Guillaume soit en harmonie avec la carrière type d'un espion venu de l'Est. Il s'est réfugié, entre guillemets, à l'Ouest en 1956 avant de s'infiltrer lentement mais sûrement dans l'appareil du Parti socialiste allemand, puis de l'appareil d'État, une fois ce parti au pouvoir. Des mesures de sécurité rigoureuses sont prises en Allemagne pour contrer ses activités d'espionnage. L'interdiction de la carrière publique aux communistes est d'ailleurs un signe très critiqué de cette lutte contre l'espionnage. Il est pourtant presque impossible dans ce pays de se garantir absolument contre le risque d'espionnage. Sur le plan de la langue et de la culture, en effet, rien ne distingue un Allemand de l'Est d'un Allemand de l'Ouest. Et il ne peut être question, dans un pays comme la République fédérale, de faire une différence et de mettre en quarantaine les réfugiés venus de l'Allemagne de l'Est. Comme le disait souvent Willy Brandt, il n'y a pas d'Allemand de première ou de deuxième classe. En définitive, Willy Brandt a aussi été, dans cette affaire, la victime de ce que l'on peut appeler le problème fondamental de l'Allemagne divisée, à savoir l'impossibilité de faire une différence entre un Allemand venant ou de l'Est ou de l'Ouest. L'impossibilité de distinguer un Allemand qui croit au ciel d'un Allemand qui n'y croit pas, dirait Aragon. En attendant, a dit hier soir un autre écrivain, allemand celui-là, Heinrich Böll, prix Nobel de littérature, « Personne ne comprendra dans le monde que nous ayons laissé démolir le chancelier Willy Brandt. » Que je m'éveillerai différemment de tous les autres jours. Et mon cœur délivré enfin de notre amour. Et pourtant, sans un remords, sans un regret, je partirai droit devant moi, sans espoir de retour. Loin des yeux, loin du cœur, j'oublierai pour toujours. Et tes bras et ta voix, mon amour. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, j'arracherai sans une larme, sans un cri, les liens secrets. Me libérant de toi pour trouver le repos. Et pourtant, je marcherai vers d'autres cieux, d'autres pays, en oubliant la cruelle froideur. Les mains pleines d'amour, j'offrirai au bonheur et les jours et les nuits et la vie de mon cœur. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, il faudra bien que je retrouve ma raison, mon insouciance et mes élans de joie. Que je parte à jamais, me détachant de toi. Et pourtant, dans d'autres bras, quand j'oublierai jusqu'à ton nom, quand je pourrai repenser l'avenir, tu deviendras pour moi un lointain souvenir. Quand mon mal et ma peur et mes pleurs vont finir. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Monsieur Jean-Luc Mélenchon et des membres du groupe La France Insoumise, une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91, alinéa 5 du règlement. La parole est à monsieur Jean-Luc Mélenchon pour une durée ne pouvant excéder 15 minutes. Ministre, rapporteur, collègues, mes premiers mots pour exprimer ma gratitude au président de notre Assemblée, Richard Ferrand, qui a pris hier une part tout à fait décisive dans le règlement du retour de notre collègue Mathilde Panot, retenue en Algérie. Le traité ce matin qui nous est présenté n'est pas la première occasion que nous aurons eue de débattre de son contenu. Je n'ai pas changé d'avis depuis la dernière fois et j'exprime au nom de mon groupe mon hostilité à ce traité. Bien sûr, je commence par dire que, comme vous tous, je sais que du fait de l'histoire et de la géographie, la France, toujours, doit avoir à l'égard de son grand voisin, l'Allemagne, une attitude pensée, cohérente et stratégique. Notre voisin nous a envahis trois fois à partir de 1870 et je ne crois pas que ce soit un stéréotype que d'avoir présent à l'esprit l'histoire et les raisons qui ont pu conduire à une telle situation. C'est donc, comme tout le monde, je me réjouis de toutes les marques d'amitié, de fraternité, de solidarité, d'affection, mais je ne partage pas l'idée d'après laquelle il y aurait un couple franco-allemand. Je ne vois pas ce que la libido vient faire dans ce type de relation. Les Allemands se contentent de parler de moteur franco-allemand, ce qui correspond mieux à leur vision de l'industrie principale de leur pays. Il y a un moteur, oui, mais je ne suis pas d'accord. Dans l'Europe à 28, après que l'Allemagne, qui était d'abord la frontière orientale de l'Europe et qui en est devenue le centre géographique depuis l'élargissement à 10 nouveaux pays, la relation n'est pas la même. Et l'obligation à laquelle vous vous sentenez tenu de rester dans un lien spécifique avec l'Allemagne pour avoir des positions coordonnées, je ne la partage pas. La troisième et la quatrième économie de l'Europe, ce sont l'Italie et l'Espagne, la France étant la seconde, et il n'y a aucune raison pour que ceux qui nous traitent avec souvent beaucoup d'arrogance de Club Med constituent un allié privilégié. Depuis la signature de ce traité, nous avons eu de nombreux signaux qui devraient au moins alerter la réflexion des stratèges français. Le premier, ça a été le discours de Madame Annegret Kramp-Karrenbauer, qui est quand même la présidente de la CDU, le parti le plus puissant d'Allemagne, et qui est au pouvoir. Et Madame la présidente a dit de la manière la plus nette et avec le moins d'ambiguïté possible son opposition absolue à ce qu'est la position constante des Français sur la question de l'harmonisation sociale. Elle a déclaré le centralisme européen, l'étatisme européen, la communautarisation des dettes, l'européanisation des systèmes de protection sociale et du salaire minimum serait la mauvaise voie. Nous pensons le contraire. De même, a-t-elle dit après qu'il s'agissait qu'elle voulait agir contre le protectionnisme solidaire en disant qu'elle doit donner l'Europe les moyens d'agir de façon compétitive dans le monde, vœu pieux que tout le monde peut partager, tandis que d'autres faussent la concurrence au moyen de mesures protectionnistes ou de monopoles d'État, ce qui est là encore le contraire de la position française. À cela, elle a ajouté une position sur laquelle, Madame la Ministre, vous vous êtes sentie obligée de nous apporter des éclaircissements, sur lesquels, à propos desquels je vous remercie. Mais elle a quand même dit « L'Union européenne devrait être à l'avenir être représentée par un siège permanent commun au Conseil de sécurité des Nations Unies ». C'est sa position. C'est également la position de la nouvelle présidente de la Commission. Dans un instant, j'en dis un mot. Il ne peut pas en être question. Parce que, à tous les coups, cela signifie plus le siège français. Je ne suis pas d'accord pour que la France, d'une quelconque manière, renonce à son siège. Car là aussi, c'est l'histoire qui a déterminé les contours du Conseil de sécurité en Europe. On peut revenir dessus. Personnellement, je souhaite, et les insoumis avec moi, qu'on revienne dessus. Mais pas pour supprimer le siège des Français ou pour y ajouter un siège allemand. Mais pour revoir la composition de ce Conseil de sécurité et l'organisation entre l'Assemblée générale de l'ONU et son Conseil permanent. Ça, oui, pour qu'enfin, des nations telles que l'Inde, telles que le Brésil et telle ou telle nation africaine trouvent sa place dans l'endroit où se décide en définitive si telle ou telle action est menée. C'est-à-dire que l'Organisation des Nations Unies rende compte de ce qu'est le monde d'aujourd'hui. Il n'y a aucune raison d'accorder une préférence particulière à l'Allemagne. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous transforment toute critique aussitôt en une germanophobie ou hostilité de principe à l'Allemagne, qui n'est pas du tout ma position politique ni celle des insoumis. Alors, chacun choisit ses amis. Les miens, c'est plutôt Liebknecht et Rosa Luxembourg, mais il ne peut pas y avoir d'hostilité de principe aux Allemands. Il y a la nécessité d'une attitude raisonnée, maître de soi et claire contre toute illusion et toute forme de romantisme dans les relations bilatérales entre Français et Allemands. Tenons-nous-en à ce qu'en disait le général de Gaulle, puisque plusieurs d'entre vous ont éprouvé le besoin de le citer. Ça n'a de sens, la relation franco-allemande, que dans une stricte égalité. Or, le gouvernement allemand est celui qui régulièrement, viole cette stricte égalité ou fait prévaloir des exigences qui ne sont pas conformes même à l'esprit européen. Peut-on m'expliquer pourquoi l'Allemagne, le gouvernement allemand, ne donne pas sa priorité au programme Ariane quand il fait des tirs de satellite, mais qu'il peut s'adresser à tel ou tel autre pays, alors qu'Ariane est un projet commun? Dans le temps que j'ai, je ne prends que cet exemple. Je pourrais en citer toute une série. De même, l'Allemagne, continuellement alignée sur les États-Unis d'Amérique, turiféraire absolument sans nuance de l'OTAN, a accepté, lorsqu'on a installé notre système de GPS, après qu'ils aient traîné les pieds au-delà du raisonnable, d'y embarquer les États-Unis d'Amérique dessus, qui se sont donc donné le droit de regarder ce que nous regardons et de faire changer les orbites de ces satellites de manière à ce qu'ils ne soient pas sur les mêmes que le GPS nord-américain, dans le cas où il faudra interrompre les communications, qu'ils puissent interrompre les nôtres sans qu'on interrompe les leurs. Je pense que tous ces éléments, qui ne sont pas dans le débat public d'habitude, où on n'entend que les violons de l'amour fou jouer, eh bien moi je ne suis pas d'accord. Et je dis que dans chacune de ces circonstances, lorsque les Français ont manqué d'être exigeants dans la stricte égalité des relations, les choses se sont mal passées. Je ne me réjouis pas de la date du 3 octobre, moment de réunification de l'Allemagne, parce que cette réunification s'est faite sans tenir aucun compte des dispositions constitutionnelles de l'Allemagne elle-même, tant et si bien que certains ont pu parler d'annexion pure et simple de l'Allemagne de l'Est par l'Allemagne de l'Ouest, puisqu'a été changée la monnaie, les institutions politiques et le régime de la propriété, qui sont des choses considérables. J'ai le droit de ne pas m'en réjouir sans que ce soit ressenti comme un discours agressif à l'égard de l'Allemagne. Je pense que les choses auraient pu se passer tout autrement. Et je fais remarquer aux Français que la conclusion de cette affaire a été 1 euro de l'Est vaut 1 euro de l'Ouest, ce qui nous a coûté 100 milliards parce que les Français ont dû s'aligner sur les taux d'intérêt de la banque, la Bundesbank, qui à ce moment-là a élevé ses taux d'intérêt pour empêcher qu'explose l'inflation. Ça a coûté 100 milliards à la France. Et personne n'a rien à dire sur le sujet, ni ne rappelle rien, ni ne présente d'exigence. Le traité à propos des armements, et vous savez que je ne suis pas dans cette assemblée favorable à l'exportation des armes, mais jusqu'à présent, le traité prévoyait que ni l'un ni l'autre des deux partenaires ne pouvaient interdire à l'autre d'exporter des armes. Eh bien, nous voici rendus à la situation où un traité est en préparation et où, sur ce que nous faisons en commun, qui est une erreur, telle que des chars ou des avions ou des missiles, pour des raisons que je ne comprends pas et que je n'approuve pas, eh bien, il se trouve que nous dirigeons vers un traité où, dès lors qu'il y aurait 20% de composants allemands dans le matériel français, le gouvernement allemand aurait la possibilité d'interdire ses exportations. Alors, je ne vais pas me prononcer en faveur des exportations d'armes. Je veux dire que nous sommes dans une situation où ce sont toujours les mêmes qui font les pas de côté. Je vous demande d'être vigilants. Voilà notre position. Quand AfD remonte la pente et qu'on retrouve des néo-nazis en Allemagne, nous avons le droit de poser l'exigence d'une stricte égalité et d'un contrôle mutuel sur ce que nous entreprenons ensemble. Je le dis avec la passion du minoritaire, car je sais très bien que le traité d'Aix-la-Chapelle, vous allez l'adopter, sans autre forme de procès. Mais vous ne tenez pas compte du fait qu'il contient une disposition qui n'est pas l'intérêt des Français. Ce n'est pas l'intérêt des Français d'organiser un condominium franco-allemand de l'Europe. Ce n'est pas notre intérêt. Et pourtant, c'est ce qui est écrit à l'article 2 qui vise des positions communes et des prises de parole coordonnées dans les institutions européennes. L'article 24 institue la participation pour laquelle je ne vais pas mettre d'adjectif parce que j'ai pris l'habitude qu'on me fasse la guerre pour un mot qu'on trouve au milieu de mes phrases. Mais enfin, qu'on y réfléchisse. À intervalles réguliers, il y aura un ministre allemand au Conseil des ministres français. Bon, je ne sais pas quel est l'intérêt d'une telle invention, ni quelle est la signification politique d'un tel acte, et quelle est sa conséquence pratique. Est-ce que le Conseil des ministres est une vitrine de Noël du gouvernement français? Non, c'est le gouvernement de la France. Et par conséquent, on trouve dans le Conseil des ministres français des Français. Et si ça devait être autrement, cela signifie que le ministre qui est dans le Conseil des ministres serait responsable devant nous, députés, comme vous l'êtes, Madame la ministre, et comme le sont tous les ministres français, responsables devant le Parlement français. De cela, il n'est pas question. De la même manière, on invente d'autres dispositions, comme la coopération, les régions transfrontalières qui auraient le droit d'avoir des dérogations au droit national dans les domaines, excusez du peu, économique, social, environnemental, sanitaire et transport. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste l'armée. Oui, non, mais attendez, on a le droit d'être contre. Mais oui, on a le droit d'être contre. Si vous installez un nouveau territoire qui participe d'une législation qui n'est pas la même, qui n'est pas la même loi qui prévaut pour la République une et indivisible, eh bien, vous vous trouvez que vous avez simplement déplacé la frontière parce que les autres départements et les autres régions qui seront au contact de ces régions transfrontalières, à leur tour, deviennent des régions transfrontalières. Je pense que c'est mettre le doigt dans un engrenage qui convient à une majorité d'entre vous, je le sais très bien, puisque vous êtes partisans de la différenciation des législations entre les territoires. Mais je le sais, et je suis contre, vous pouvez entendre, une voix qui prône et qui prêche et qui défend de manière absolument implacable l'unité et l'indivisibilité de la loi, parce que quand elle n'est plus une et indivisible, en général, le code du travail suit, et ça fait des droits différenciés pour les travailleurs. Celle-là, on la connaît trop bien. De la même manière, le même traité prévoit une intégration accélérée à l'OTAN. Je crois que notre rapporteur n'a pas été sur ce sujet, n'a pas nié. Donc il s'agit bien de s'intégrer toujours davantage à l'OTAN. C'est le cas de l'article 2 qui arrime l'Europe de la défense à l'OTAN, qui se donne comme objectif de renforcer l'Union européenne et l'Alliance Atlantique Nord. Je voudrais faire remarquer que la nouvelle présidente de la Commission, après que le président de la République ait d'abord opposé un veto à la nomination d'un président de la Commission qui fut Manfred Weber, le président du PPE au Parlement européen, allemand conservateur. Le problème n'est pas qu'il soit allemand, mais qu'il soit conservateur. Et le président français avait dit que ce n'était pas possible. Résultat, nous avons élu Madame Ursula von der Leyen, laquelle, politiquement, ne s'est jamais non plus cachée de ses opinions fondamentales, tant en ce qui concerne les Français qu'en ce qui concerne les alliances. Madame la présidente de la Commission, elle, non seulement a réaffirmé pour la énième fois le lien dans une tribune qu'elle a publiée entre l'OTAN et l'Europe, en indiquant clairement quelle était la direction de ses préoccupations, c'est-à-dire la Russie, et demandant qu'on installe jusque dans la présence militaire dans les pays baltes et aux frontières de la Russie, ce qui est une aberration. Alors, la première fois que je vous l'ai dit, eh bien, beaucoup dans cette salle protestaient. Depuis que le président de la République a rejoint, je ne sais comment, une formule qui était la mienne, disant que la Russie n'était pas un ennemi mais un partenaire, j'espère que dorénavant, peut-être va-t-on voir les choses différemment et considérer que la Russie ne peut pas être un ennemi, mais être obligatoirement, pour les Français, un partenaire. Parce que chaque fois qu'on a fait autrement dans l'histoire, ça a mal tourné pour nous. Par conséquent, notre intérêt fondamental est que nous n'ayons jamais d'opposition avec la Russie, j'ajoute, quel que soit le gouvernement qui est au pouvoir dans ce pays. Et si le général de Gaulle a réussi à s'entendre avec Staline, peut-être que nous avons une possibilité, au moins, de nous comprendre avec Poutine. Ça signifie que la nature d'un régime n'intervient pas ou rarement dans la disposition que la France prend quant à sa stratégie internationale. Sinon, qu'est-ce qu'on fout avec l'Arabie Saoudite? Vous pouvez me le dire? Voilà. Donc, c'est de même. Il est très dangereux de mettre le doigt dans l'engrenage d'une hostilité de principe à la Russie. Et de la même manière, je trouve déplorable que la même présidente de la Commission ait fait ce clin d'œil à AfD, Alternative für Deutschland, et aux autres partis de cette nature en Europe, en créant un poste de commissaire européen aux migrations et à la protection du mode de vie européen. Ce qui est dit dans des termes à peine euphémisés, quelque chose d'insupportable pour nous tous, parce que ce n'est pas comme ça que nous réglerons le problème auquel nous avons affaire sur le vieux continent. Et au moment où ce vieux continent se teint tant en brun, je voudrais mentionner, rappeler l'importance qu'il y aurait pour nous à consolider une alliance, si on doit l'avoir, bien sûr, avec la première économie de l'Europe, en vue des droits des travailleurs, de relever le niveau de vie des Européens, parce que c'est de là que part tout le mal. L'Allemagne, première puissance européenne, troisième ou quatrième puissance mondiale, compte 13 millions de pauvres. Il y aura bientôt 6 millions de personnes qui ont un emploi à 450 euros par mois. C'est sur ce terreau, j'allais employer un mot plus dur, sur cette situation terrible pour la vie des gens, que naissent toutes les jalousies, les oppositions de principe et les tensions entre les personnes qui débouchent ensuite sur les alternatives extrémistes nationalistes. Je m'oppose à ce traité parce qu'il faut donner un signal à la République fédérale allemande qu'il n'est pas vrai que les Français avalent tout rond n'importe quel roman qu'on leur raconte sur une amitié qui a besoin d'être confirmée par des faits et pas par des bonnes paroles. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre. Quand les cigares, ils changeront de bouche, quand les stars, elles changeront de main, quand la bonne soupe, elle changera de louche, qui sera dans le bottin, quand les gibus, ils changeront de tête, quand les bagouses, elles changeront de doigts, quand l'omarie changera de fourchette, les employés, on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. C'est nous qu'on sera les PDG. Remarquez même en Rockefeller, je resterai quand même fils d'ouvrier. Qu'un employé à bas salaire, c'est une chose à pas oublier, oui, mais quand nos cœurs changeront de chaumière, que les secrétaires changeront de genoux, que les sofas ils changeront de derrière, qui c'est qui changera de biniou, quand les Rolls changeront de carte grise, quand Maxime changera de client, quand les smokings changeront de valise, alors l'a dit, et gentiment, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Les cigares, ils changeront de bouche, quand les stars, elles changeront de main, quand la bonne soupe, elle changera de louche, qui sera dans le potin, quand les gibus, ils changeront de tête, quand les bagouses, elles changeront de doigts, quand l'homard, il changera de fourchette, les employés, on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, le Média se lance dans une opération nettoyage et investigation. À mes côtés, Maxime et Alexandre Renaï du site lanceuralerte.org. avec qui nous ouvrons les hostilités. Nous allons nous lancer dans 10 procédures judiciaires qui chacune vont générer des enquêtes, des papiers et des reportages. Mais le point de départ est d'avoir accès à la publication de comptes que certains milliardaires et certaines multinationales cherchent à préserver de tout regard importun. En d'autres termes, ces ultra-riches auxquels nous allons nous attaquer veulent préserver leurs secrets. La loi les oblige pourtant à publier leurs comptes, ce qu'ils ne font pas et ce que nous allons nous efforcer à leur faire faire. Emmanuel Macron, depuis son élection, a toujours mis en avant les premiers de cordée, comme le nec plus ultra de sa Startup Nation, ceux qui doivent nous tirer vers le haut. Nous pensons que certains de ces rentiers, de ces ultra-riches, de ces champions de l'opacité, nous tirent vers le bas. Nous allons donc les assigner en justice. Quel est le point commun entre le milliardaire Bernard Arnault, le magnat des affaires Arnault Lagardère et le financier Marc Ladrey-Lacharrière? Ils sont tous extrêmement fortunés, bien sûr, milliardaires pour la plupart, mais ce n'est pas tout. Comme des centaines d'ultra-riches en France, toutes ces personnes refusent obstinément de publier les comptes de leurs sociétés respectives, malgré l'obligation légale en la matière. Rendre compte de leurs activités n'est vraiment pas leur tasse de thé, c'est le moins qu'on puisse dire. Face à l'opacité des grandes fortunes françaises et de leurs sociétés, que fait l'État? Absolument rien. Pourtant, celui-ci dispose d'outils juridiques qui permettraient, s'il le souhaitait, de lutter contre les multinationales et les milliardaires déloyaux. Depuis la loi Sapin II, la dissimulation des comptes, qui contrevient à plusieurs articles du Code du commerce, peuvent être sanctionnées par le paiement d'une astreinte pouvant atteindre 2% de leur chiffre d'affaires quotidien. Et ce, aussi longtemps que les comptes ne sont pas déposés dans les greffes des tribunaux de commerce. Encore faudrait-il pour cela que les fraudeurs les plus riches soient poursuivis par l'État. Alors que le gouvernement Macron contrôle et radie actuellement les chômeurs avec un zèle sans précédent, les plus grands détenteurs du capital ne se heurtent quasiment à aucun contrôle et à aucune sanction lorsqu'ils ne publient pas leurs comptes. Avec la réforme de l'assurance chômage mise en œuvre par Emmanuel Macron cette année, les chômeurs qui ratent un seul rendez-vous à Pôle emploi en sont à présent radiés, puis ils sont privés pendant un mois complet des indemnités de chômage, indemnités pour lesquelles ils ont pourtant cotisé. Les caisses d'allocations familiales redoublent elles aussi d'agressivité dans leur contrôle et réclament aux bénéficiaires du RSA la communication de leur relevé de compte bancaire des deux dernières années. Certains précaires peuvent ainsi perdre le bénéfice du RSA lorsqu'ils ne communiquent pas assez vite ces documents personnels aux contrôleurs. En France, l'exigence de transparence n'est donc pas la même selon qu'on est un pauvre ou un milliardaire. D'un côté, on prive les chômeurs de toutes leurs ressources au premier petit manquement constaté. De l'autre, on laisse les ultra-riches vivre tranquillement au-dessus de certaines lois économiques, alors que des outils juridiques permettraient de les sanctionner. Souvenez-vous, lorsque le géant de l'industrie agroalimentaire Lactalis refusait de publier ses comptes, entre 2015 et 2018, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, avait promis qu'il contraindrait cette société à respecter cette obligation légale. Il n'a jamais tenu parole. Agacé par cette importante carence de l'État, notre association Lanceurs d'Alerte a assigné en 2019 au tribunal de commerce le milliardaire Emmanuel Beignet, PDG de Lactalis, pour la non-publication de ses comptes. L'opacité d'Emmanuel Beignet était lourde de conséquences. Elle avait entre autres pour effet d'entraver les négociations commerciales avec les éleveurs prestataires du groupe, dont on connaît l'actuel désarroi, et de dissimuler la destination de ses bénéfices. À la suite de notre action en justice, et pour la première fois en 5 ans, Lactalis a dû déposer ses comptes. Dans le même temps, nous avons réalisé avec la Confédération Paysanne une enquête sur les flux financiers entre Lactalis et les paradis fiscaux, démontrant que plus d'1 milliard d'euros, fruit du labeur des agriculteurs et des ouvriers de Lactalis, partaient dans les paradis fiscaux. Cette enquête a été transmise au parquet national financier, lequel a demandé en juillet dernier une perquisition fiscale au siège de Lactalis par la Direction nationale des enquêtes financières. En partenariat avec l'Association de défense des animaux L214, nous avons également assigné cette année au tribunal de commerce le groupe Charal, Bigard, Socopa. Le numéro 1 de la viande française faisait régner le même secret malsain dans ses abattoirs que dans ses comptes. Lors d'une commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale en 2017, ce groupe aux 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel avait provoqué un tollé en refusant de répondre aux députés au sujet de la non-publication de ses comptes. L'opacité de Bigard nous choquait tous, d'autant que le groupe, celui-là même qui s'arrogeait le droit de ne rendre aucun compte de ses activités aux citoyens, percevait chaque année des millions d'euros de CICE pris dans la poche du contribuable. Comme Lactalis, le groupe Bigard a publié des comptes suite à notre assignation au tribunal. Il nous faut maintenant généraliser ce type d'action, lancer des procédures pour démasquer ces investisseurs et ces rentiers qui se cachent ou qui fraudent. L'idée n'est pas spécifiquement de leur nuire, mais de mettre en lumière des pratiques qui nous affectent tous. Nous souhaitons savoir ce qu'Emmanuel Macron et ses amis milliardaires ont fait de notre argent via le CICE. Nous souhaitons continuer à chercher dans les forêts de ces comptes et de ces sociétés offshore comment elles parviennent à se soustraire à l'impôt, comment elles affaiblissent nos services publics en enrichissant les cabinets d'avocats et les paradis fiscaux. Nous voulons jeter un œil sur les agissements de ces industriels, tels Bigard, qui s'enrichissent toujours plus sans jamais garantir un prix d'achat aux éleveurs français. Nous souhaitons obtenir et analyser les comptes de Bernard Arnault, le spécialiste de la délocalisation d'entreprises rentables. Pour cela, nous avons besoin de votre soutien, car les procédures judiciaires sont très codifiées et ont un coût, celui des honoraires d'avocats et des frais d'huissier de justice, sans compter notre temps et notre investissement. Nous avons estimé à 3 000 euros le prix de chaque affaire à traiter, soit 30 000 euros au total. Nous avons besoin de vos dons qui, je le rappelle, peuvent tous être défiscalisés à hauteur des 2/3. Vous donnez par exemple 1 000 euros et les impôts vous rembourseront 666 euros. Et vous servez une cause juste. Nous allons engager des procédures de grande ampleur avec le Média TV, notamment contre le groupe Arnault, propriété de Bernard Arnault, la deuxième fortune mondiale, les produits de luxe. Lagardère SA, propriété d'Arnaud Lagardère, une holding. LM Holding, propriété d'Arnaud Lagardère, la holding de la famille Hermès, H51. Webedia, propriété du milliardaire Marc Ladret de La Charrière. Fimalac Communication, propriété du milliardaire Marc Ladret de La Charrière. Les Mutuelles de Bretagne, anciennement dirigées par Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale. Le Club Med, British Steel Saint-Saulve, Ascoval, à Syrie dans le nord de la France. CFEB Sisley, propriété de la famille Dornano, qui fait du commerce de produits de beauté. Si vous souhaitez que ces sociétés et leurs possédants rendent des comptes, envoyez-nous vos dons à l'adresse suivante, soutenez.lemediatv.fr, puis vous allez dans l'espace de dons. Vous pouvez laisser un commentaire lorsque vous faites ce don. Précisez-nous bien que c'est pour cette procédure. Merci d'avance. Il se peut que je vous déplaise en peignant la réalité, mais si j'en prends trop à mon aise, je n'ai pas à m'en excuser. Le monde ouvert à ma fenêtre, que je referme ou non l'auvent, s'il continue de m'apparaître, comment puis-je faire autrement? Je ne chante pas pour passer le temps. Le monde ouvert à ma fenêtre, comme à l'eau claire le torrent, comme au ventre l'enfant à naître et neige la fleur au printemps. Le monde ouvert à ma fenêtre, avec sa tulie, ses horreurs, avec ses armes et ses reîtres, avec son bruit et sa fureur. Je ne chante pas pour passer le temps. Mon Dieu, tout assumé, l'odeur du pain et de la rose, le poids de ta main qui se pose comme un témoin du mal d'aimer. Le cri qui gonfle la poitrine de Lorca Mayakovsky, des poètes qu'on assassine, ou qui se tue pourquoi, pour qui? Je ne chante pas pour passer le temps. Le monde ouvert à ma fenêtre, et que je brise ou non la glace, s'il continue de m'apparaître, que voulez-vous donc que j'y fasse? Mon cœur, si tu t'arrêtes, comme un piano qu'on désaccorde, qu'il me reste une seule corde, et qu'à la fin mon chant répète. Je ne chante pas pour passer le temps. Une petite revue de presse. Eh bien, tiens, à propos de la presse, Philippe Henriot, né à Reims le 7 janvier 1889, est mort à Paris sous l'occupation le 28 juin 1944. C'est un homme politique, c'était un homme politique français, engagé à l'extrême droite et député dans l'entre-deux-guerres. Il devint, pendant la Seconde Guerre mondiale et l'occupation allemande, l'une des figures de la collaboration avec les nazis. En tant qu'orateur sur Radio Paris, Philippe Henriot est l'un des propagandistes les plus connus du collaborationnisme en France. Il rejoint en 1943 les rangs de la milice française. En janvier 1944, dans les derniers mois de l'occupation, il devient le secrétaire d'État à l'information et à la propagande du gouvernement Laval. Sa nomination est l'un des signes de la radicalisation du régime de Vichy finissant. Il est tué par un commando du mouvement de résistance. En représailles, la milice se livre à des exactions meurtrières dans tout le pays occupé. Pour le philosophe Michael Fossel, l'histoire récidive. Elle bégaye. Crise capitaliste. Repli identitaire. À bien des égards, 2019 égale 1938. Alors, devant nous le fascisme? Point d'interrogation. Non, il est encore temps d'agir, de réagir. Alors, bon, en dessous, là, nous sommes à la radio, donc on ne peut pas vous montrer l'image, mais policiers et gendarmes furent aussi les forces de l'ordre du régime de Vichy. Policiers et gendarmes furent aussi les forces de l'ordre du régime de Vichy. Nous voudrions rappeler qu'ils ne sont pas nécessairement les garants de l'ordre républicain, mais juste de l'ordre dominant. Donc, pas forcément de l'ordre républicain, mais juste de l'ordre dominant. Hein? Voilà. Alors, Tour de France, le jour où le maillot jaune Gino Bartali a refusé de saluer Mussolini. Chaque jour, nous vous proposons une petite histoire de ce maillot jaune centenaire. Aujourd'hui, le jour où le grand Gino Bartali a refusé de faire le salut fasciste devant Mussolini. Très bien. Quelques articles tirés de Santé Mutualiste. Valeurs Mutualistes, pardon. Pénurie de médicaments, un phénomène inquiétant. Antibiotiques, vaccins, anesthésiants, antiépileptiques, anticancéreux. La liste des produits pharmaceutiques en situation de rupture de stock ne cesse de s'allonger. Un phénomène récurrent et massif, non sans conséquences sur notre santé. Un quart des Français ont déjà été confrontés à une pénurie de vaccins ou de médicaments, selon un sondage rendu public par France Assos Santé en janvier 2018. État d'urgence pour la pédopsychiatrie. La psychiatrie, un secteur sinistré. La pédopsychiatrie n'est pas une discipline reconnue en tant que telle. Je lis seulement les titres là. Hein. Quand le virtuel apprend à soigner. Alors ça serait un sujet à développer bien sûr, mais il faudrait faire une émission strictement médicale. Hein, faite par des... si possible des professionnels, hein, ou des professionnels. Un centre de recherche pour les enseignements adaptés. Nutrition, plus de légumes secs, moins de viande. Bien dormir, parents et enfants, même combat, piqûre de moustiques et tiques, comment s'en protéger? Le 9e art et sa cité. Ben voilà des titres intéressants. Hein. Eh oui, mais ça manque de temps, que voulez-vous, hein. Voilà, on n'est pas des professionnels, on est des amateurs, on est des bénévoles. Eh oui, si on pouvait créer des postes de professionnels à plein temps, ça serait quand même beaucoup mieux. Hein. Voilà. La radio, un média insubmersible. Voilà qui est très intéressant. Avec ses émissions cultes et ses stars du micro, la radio a marqué le 20e siècle. Aujourd'hui, elle poursuit sa mutation, emprunte de nouveaux canaux de diffusion et explore les formats inédits. Enquête sur un média à part. L'arrivée du numérique a accéléré la fragmentation des audiences et la diversification des usages. Oui, le numérique. Bon, on verra ce que ça donne. On verra. Mais méfions-nous. Parce que depuis quelque temps, chaque fois qu'il y a un changement, c'est pas forcément, ça va pas forcément dans le bon sens. Là, une photo prise au cours d'une manifestation, une banderole tendue à travers la rue. Papa. Maman, chômeur, enfant, en pleurs. Réforme des retraites, ils abattent leurs cartes. Depuis des mois, le gouvernement Macron-Philippe Delvoye concocte sa réforme des retraites. Il s'agit d'en finir avec les 42 régimes spéciaux et de mettre en place un système dit universel, par points, pour remettre en cause l'ensemble des droits collectifs. Chaque jour, de nouvelles annonces montrent à quel point ce nouveau système est une entreprise de liquidation de tout ce qui existe actuellement. La pension de réversion versée au conjoint survivant jusqu'à présent à partir de 55 ans ne serait plus versée qu'à partir de 62 ans. Alors que Delevoye assure que 10 euros cotisés donneront un point qui rapportera 0,55 euros de retraite, les experts prouvent, chiffres à l'appui, que le rendement réel sera de 4,95% et non de 5,5%, groupe d'experts de l'Institut de la Protection Sociale, IPS. Il faudra allonger de 2 ans l'âge moyen de départ à la retraite, qui devra passer de 63 à 65 ans, soit par relèvement de l'âge minimum, soit par l'instauration d'un âge pivot, soit par allongement de la durée de cotisation. C'est contre ces mesures et contre l'ensemble de la réforme des retraites du gouvernement que se mobilisent des centaines de milliers de travailleurs en faisant grève et manifestant les 13, 16, 19, 21, 24 septembre. C'est un document déjà un peu ancien qui date du 24 septembre. Au centre de toutes les discussions, dans les entreprises, dans les manifestations, comment y arriver, il faut s'y mettre tous ensemble, on y travaille. Alors tel est l'objectif de la rencontre nationale des comités pour l'unité, pour le retrait de la réforme des retraites du 12 octobre, combattre pour l'unité à tous les niveaux, pour la grève générale, pour le retrait de la réforme Macron-Delevoye, salariés du public et du privé, syndiqués, non syndiqués. Alors c'est un appel qui provient d'un tract qui était distribué au cours de la manifestation des retraités, tract distribué par le Parti ouvrier indépendant démocratique, pour le socialisme, la République et la démocratie, pour l'internationale ouvrière. Voilà. Ensuite, une adresse du Conseil fédéral national, du CFN, Parti ouvrier indépendant démocratique encore. Montreuil, le 29 septembre 2019. La grève massive des travailleurs de la RATP, unis avec leurs syndicats, le 13 septembre pour la défense de leur régime particulier de retraite, a ouvert une phase nouvelle de la lutte de classe. À leur suite, les fonctionnaires des finances publiques, puis les agents d'EDF ont engagé des mouvements de grève pour la défense de leur retraite, de leur statut, de leurs emplois. Tandis que le mouvement de grève et des mobilisations entamées depuis des mois se poursuit dans les hôpitaux, n'en déplaise à ceux qui s'acharnent à décréter que l'heure n'est plus à la lutte de classe, c'est bien elle qui surgit ici avec force. C'est la grève qui s'impose à l'ordre du jour dans tous les secteurs et dans toutes les corporations, avec en ligne de mire le projet Macron-Delevoye, destructeur des retraites, et plus généralement toute la politique du gouvernement. Oui, le combat pour les revendications et la préparation de la grève, mais comment les faire aboutir? À cela, tous les travailleurs savent que la réponse passe par un mot, allez, devinez. Ben oui, l'unité, tout simplement. Ah oui, l'unité. Ah ben, ceux qui veulent pas faire l'unité, en fait, ce sont des traîtres, des lâches. Faudra se débarrasser d'eux le moment venu. Faudra les licencier, ne pas voter pour eux, les élections, etc. Radon, le risque est mesuré. Gaz radioactif d'origine naturelle, le radon a fait l'objet d'une première campagne de sensibilisation et d'information sur 65 communes de l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. La restitution des résultats a été précédée du lancement d'une seconde campagne sur ce même territoire. Sur les 234 appareils de mesure, 208 ont pu être analysés. Les analyses montrent que 166 mesures présentent un seuil inférieur à 300 becquerels par mètre cube d'air. 26 mesures sont supérieures à ce seuil, dont 2 supérieures à 1000 becquerels par mètre cube. 1000 becquerels. Avec une médiane de 156 becquerels par mètre cube pour ces 208 mesures sur une moyenne de 193 becquerels par mètre cube. Alors pourquoi n'a-t-on pas fait ce genre de mesures dans la région de Remiremont? Pourquoi donc? Mais oui, pourquoi? Pourquoi? Qui a décidé de? Pourquoi? Dans quel but? Eh oui, comment on vote les gens là? Hein? Amis électeurs, peut-être que de temps en temps on se met le doigt dans l'œil. De temps en temps, on se trompe, on vote pour du n'importe qui dit n'importe quoi, pour faire n'importe quoi. Réussi à Mirecourt, le premier forum de l'emploi. Pour la première fois, le pôle d'équilibre territorial et rural de la communauté de communes de Mirecourt-d'Ampère organisait un forum de l'emploi à l'espace Flambeau. Espace Flambeau pour l'emploi de Mirecourt. Ce jeudi 10 octobre, demandeurs d'emploi, entreprises et organismes de formation étaient au rendez-vous. Bon, ce qui a donné certainement des résultats très positifs. Le nombre d'emplois dans la région de Mirecourt a baissé radicalement, c'est sûr. C'est sûr. Ah ben, on va quand même pas commencer à douter. Hein. On est une radio libre, on est libre de ne pas douter, voyons. Énergie, l'agglo s'associe au privé. Et Épinal. Annoncé depuis 2 ans, la société d'économie mixte Terre-Or est enfin créée. Elle va associer des collectivités, la communauté d'agglomération d'Épinal, la Comcom Mirecourt-d'Ampère et la région Grand Est à des opérateurs privés pour développer les projets d'énergie renouvelable sur le territoire. Les énergies renouvelables sont désormais incontournables, mais elles sont aussi source de profit. Ah ben oui, et certaines communes s'étant trop vite engagées à accueillir des projets d'éoliennes ou de champs panneaux solaires l'ont appris à leurs dépens. Ben oui, il fallait faire payer le terrain, puis demander une participation aux bénéfices, etc., etc. Ben oui, ah ben, c'est pas parce que les choses viennent du privé que c'est sacré, hein. Le privé, c'est pas sacré. Ce qui est sacré, éventuellement, c'est le public, pas le privé. C'est pour ne plus se faire plumer, mais aussi pour parvenir à l'autonomie énergétique du territoire en 2050, objectif affiché du SCOT des Vosges, central, que plusieurs collectivités ont décidé de monter une société d'économie mixte nommée SEM Terre-Or. Bon. Alors, le chinois enseigné aux collégiens dès la 5e, en Franche-Comté. Dans l'académie de Besançon, seuls 2 établissements situés dans le pays de Montbéliard permettent d'apprendre l'idiome, non, c'est pas un idiome, c'est une langue, de l'Empire du Milieu en langue vivante 2. Immersion dans un cours à Jean Bohain à Audincourt. Le plus délicat dans l'apprentissage du chinois, c'est la maîtrise des idéogrammes. Alors, sur la chaîne chinoise en français, qu'on peut avoir par le câble, hein, eh bien, il y a des cours de chinois. Alors, j'en ai enregistré un petit bout, je vous posterai ça de ces jours à l'antenne. Vous verrez comme c'est... c'est un cours de langue étrangère. Bon, alors... L'offensive de l'armée turque contre les Kurdes pourrait conduire à l'évasion de combattants étrangers de Daesh, dont des Français, une menace prise très au sérieux par le gouvernement français, mais qui à ce stade n'envisage pas de rapatriement. Alors ça c'est un journal déjà un peu ancien, hein. C'était la situation il y a le 11 octobre, vendredi 11 octobre, depuis de l'eau a coulé. Maintenant les Kurdes ont été obligés, sous peine d'être quasiment une fois encore génocidé, était obligé de se mettre sous la protection de Bachar el-Assad. Hein. Il n'y tenait pas du tout. Il n'y tenait vraiment pas. Et ben, ils ont été obligés. Voilà, c'était ça, ou se faire massacrer. Alors, bon, enfin. Après la liquidation de sa boulangerie, un couple a tout perdu. Dans la région de Remiremont, un couple de boulangers. Eh oui, on peut être petit commerçant et se retrouver aussi au chômage. Voilà, c'est pour ça qu'il faut que tout le monde se mette ensemble contre le chômage. Parce que, souvenons-nous que le chômage en France, en 2019, c'est 6 millions de personnes qui sont concernées directement, plus indirectement leurs familles, etc. Et 6 millions de chômeurs, on a déjà connu ça, c'était en Allemagne en 1932. Et on a vu ce que ça a donné aux élections de 1933. Adolf Hitler a été élu. Et, à partir du moment où il était au pouvoir, il a commencé à faire du nazisme à grande échelle, hein, du nazisme, du fascisme concret, hein, qui concernait la vie de tous les jours de beaucoup de gens. Hein, ça fait 60 millions de morts, et davantage. Voilà, Commission européenne, Goulard retoqué, Macron désavoué. C'est la première fois qu'une candidature française au poste de commissaire européen est retoquée à l'issue de son examen de passage devant les eurodéputés. Député, pas député, député. Ah oui, c'est Balland qui a fourché. Un échec qui sonne comme un recadrage pour le président Macron, qui avait désigné la centriste, visée par des enquêtes judiciaires. La Française briguait le stratégique portefeuille du marché intérieur au sein de la prochaine Commission européenne. Eh ben voilà. Ah ben le monde des affaires se ferme à elle. Voilà, ça, oh ben c'est des choses qui arrivent. Hein. Université, prépa ou BTS, la carte proposée aux futurs étudiants. Près de 16 000 lycéens avaient rendez-vous au 17e salon de l'enseignement supérieur ce vendredi au centre des congrès d'Épinal. L'occasion pour ces futurs bacheliers d'avoir de premières perspectives pour l'année prochaine. Bon, oui, ben l'enseignement supérieur, ça débouche sur des emplois très bien payés, très bien considérés, et jamais, bien sûr, sur le chômage. Ah ben non, puisque c'est l'enseignement supérieur. Certigny, politique, la ministre Jacqueline Gourault face aux maires ruraux. Gourault rime avec ruraux, ben c'est bien. Ce vendredi 11 octobre, la ministre de la Cohésion des territoires. Alors imaginez qu'il n'y ait pas de ministre de cohésion des territoires. Mais qu'est-ce qui passe? Eh bien, le moindre petit séisme pourrait séparer la région Grand Est, par exemple, de la région parisienne ou des régions voisines. Hein? Oh, ça serait embêtant, ça serait dangereux. Hein? On fait un pas de trop et on tombe dans le vide parce que les régions sont séparées. La cohésion des territoires est rompue. Oh, le ministère de la cohésion des territoires, il fallait inventer ça quand même. Oh, que c'est bien. Ils ont de l'imagination, les gens qui nous gouvernent. On a bien fait de voter pour eux. Quand je dis on, c'est... Bon, voilà, hein, on ne va pas commenter plus que ça. Grand Est, la Chambre des comptes appelle à plus de transparence pour la région Grand Est. Ah, plus de transparence. Alors ça veut dire en termes assez édulcorés que... Peut-être qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond là-dedans. Dupont de Ligonnès, l'homme le plus recherché de France, a été interpellé vendredi à son arrivée à l'aéroport de Glasgow, en Écosse. Il voyageait sous une fausse identité et il avait changé d'apparence au point d'être méconnaissable. Ben oui, il était tellement méconnaissable que c'était pas lui. Hein? Donc là, c'était Vosges Matin du samedi 12 octobre 2019. Et puis maintenant, ben, on sait que c'était tout faux. Alors, bon, ça a quand même permis... d'éviter de parler de sujets plus concrets, plus immédiats, plus réels, plus français, etc. Oui, donc une fausse nouvelle, ça peut toujours être utile à quelque chose ou à quelqu'un, hein. Même momentanément. Hein. Politique, les Républicains, un président pour sauver la droite. Voilà, ben ça y est, la droite est sauvée, c'est Christian Jacob qui a été élu. Il va réunifier la droite. Et il va sauver la droite parce que la droite, elle est en train de s'effilocher. Elle part d'un côté chez Macron et de l'autre côté chez Le Pen. Hein? Ah oui, la droite, elle était foutue. Elle est en train de montrer ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire, la droite, quoi. Hein? Alexei Leonov était le premier piéton de l'espace. Le piéton de l'espace n'est plus. Premier homme à effectuer une sortie dans le noir profond. Premier commandant d'une mission spatiale américano-soviétique. Double héros de l'URSS et ami de Gagarine, le cosmonaute Alexei Leonov est décédé vendredi à 85 ans, parti à bord du vaisseau Voskhod 2. Le cosmonaute numéro 11 avait effectué le 19 mars 1965 la première sortie d'un homme dans l'espace ouvert. Il s'était alors éloigné prudemment de 2 à 3 mètres du vaisseau pour flotter dans le vide, trouvant l'opération très pénible. Oui, parce que les tenues pour sortir dans l'espace, dans le vide absolu à l'époque, ne devaient pas être très, très faciles à porter. Hein. Ça devait être assez rigide, lourd, inconfortable, etc. Et puis sortir dans le vide comme ça, seulement rattaché à la capsule spatiale par un filin, et ça ne devait pas être trop rassurant. Les industriels de la chasse... les industriels à la chasse aux stagiaires à l'INSTIB. L'École nationale supérieure des technologies et industries du bois organisait ce jeudi 10 octobre son 11e forum emploi-stage. Près de 50 entreprises ont fait le déplacement afin de démarcher leurs futurs stagiaires parmi les étudiants qui en ont profité pour accélérer leurs recherches. Voilà, alors ça fera des gens qui ne seront pas au chômage, c'est sûr. Promis juré, pas chômage. Non, il n'y a plus de chômage maintenant, ça y est. Maintenant, on approche des élections municipales et puis des élections présidentielles quelque temps après. Donc maintenant, le chômage va commencer à baisser, c'est sûr. Si, mais si, puisque je vous le dis. Allons. On dirait pas des bêtises sur les radios libres, on répéterait pas les bêtises qui se disent dans les journaux et les radios et les télés normales, voyons, commerciales, enfin, à la botte, quoi. Vinci Emploi, territoire zéro chômeur de longue durée, réunion publique et rencontre en vue, l'association de préfiguration, territoire zéro chômeur de longue durée 88, vient d'organiser sa première assemblée générale, voilà. Alors on va recenser des chômeurs de longue durée volontaires pour faire partie du projet. De vrais emplois, des savoir-faire. À cette date, le 19 personnes ont eu un entretien, non pour leur proposer un emploi, mais pour les inscrire dans le projet. Voilà. Ah, oui. Tout ça, c'est des promesses d'ivrogne. Eh oui. Enfin. Et il y en a encore qui sait s'attraper. Inexcusable maintenant. Ah oui. On avait des excuses de se faire attraper par Mitterrand, Chirac, etc. Non, depuis Sarkozy, on n'a plus aucune excuse, plus aucune. Si on vote pour ces gens-là, c'est qu'on est des imbéciles. Remiremont, politique, une ministre en balade, au musée et dans les commerces. La ministre de la cohésion des territoires, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault, a passé une heure à Remiremont. Ce vendredi après-midi, dans le cadre d'une tournée vosgienne, elle a notamment pu visiter le musée Friri et remonter la rue Charles de Gaulle. Voilà. Comme disait l'autre, l'immobilisme est en marche et rien ne l'arrêtera. Bonsoir.